Wenn wir keine Veränderung wollen, dann können wir nicht, dann brauchen wir gar nicht zu Christus zu kommen. Si on veut pas de, on veut pas changer, de changement, on peut pas venir vers l'Éternel. You know, 2 Corinthians 5:17 will help you even to know that. If any man be in Christ, is a new creature. 2. Korinther 5:17 hilft uns, das nochmal ganz klar zu machen, dass a change. Da ist eine Veränderung, die kommen wird, und die ist da ist kein Ausweg daran vorbei. 2 Corinthiens nous fait voir que quand il dit que quand quelqu'un vient vers Jésus-Christ, il y a la personne devient une nouvelle créature. Ça te fait voir que ça, c'est une loi, donc tu ne peux pas dire je viens vers lui et je veux rester la même personne. I'm not talking about religious churches or, you know, gathering. I'm talking about a living church. A church that is all about Christ. Über eine religiöse Gemeinde oder eine religiöse Versammlung, sondern eine Gemeinde, wo es wirklich nur um Jesus Christus geht, um das fertige Werk von Jesus Christus. Je ne parle pas d'une église religieuse, je parle d'une église vivante qui connaît l'importance de Jésus-Christ. If you don't want any change, don't need to come to me. Wenn du keine Veränderung willst, dann musst du nicht zu mir kommen. Si tu ne veux pas les changements dans ta vie, tu n'as pas besoin de venir. If you don't want to be exposed, don't come to him. Wenn du auch nicht exposed werden willst, dann komm auch nicht zu ihm. Si tu veux pas qu'on puisse que tu puisses être exposé, tu ne dois pas venir vers lui. If you still want to continue to live in your small secret, amen. Living in your secret, your small secret. You no need to come to a living church. Wenn du immer noch in deinem kleinen Geheimnis leben willst, dann wirst du exposed, weil das Licht wird die Dunkelheit überführen. Danke. Et si tu veux toujours vivre avec tes petits secrets, là, tu n'as pas besoin de venir vers Jésus-Christ et dans une école église vivante, parce que le diable, l'Éternel, il est la lumière, il va exposer tes secrets. Praise the Lord. Il va exposer l'obscurité. Yes. What you have just said gave me a reminder. In Nigeria, where you have a lot of spiritual battle, a living church, I remember in those days, you have one or two living churches, and there are certain churches, they call them spiritual church. What is under that word spiritual, I don't know. But people who have hidden agenda. Who have hidden agenda. When I say hidden, not physical hidden agenda. Spiritual hidden agenda. Hidden agenda. You don't go there. You don't joke with they them. They don't go to all these spiritual churches. God said it will be exposed. Because they are easily exposed. Here in Europe, because they are not so conscious about that, the spiritual don't bother you. If you go to them, they come to you. If you don't go to them, they leave you alone. That is what is happening here. So there, I remember in those days, because people who have different terrible spirits or other spirits, they don't follow people to any church. They can go to a Catholic church or Anglican church, this normal... Yeah, normal church. Normal church where you have 200 people. Yeah, normal. Let me use the word normal church. Yeah. They go to normal church. Because in Africa, there are different spirits there. I beg you. So, millions of spirits. You don't... People don't go to any church. Any church, anyhow. They ask questions before churches, they go to any church. You go, immediately they go there, you see them. Oh, God. You see, it's difficult to explain here. In Nigeria, you see people. You see things. You can't believe your eyes. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Are you happy? En fait, papa dit que en Afrique, par exemple, il y a aussi beaucoup d'autres démons, non, beaucoup d'autres esprits. Et ça signifie que quand tu pars dans une église pareille, les démons qui sont là vont aussi exposer l'autre démon. Donc tu seras, ils vont se révéler. Oui. Et puis quoi encore? Dass sie drauf achten, also die gehen nicht in irgendwelche Gemeinden, sondern die gucken wirklich drauf. Ok. Et c'est pour cela ils partent pas dans chaque église. Ils partent toujours dans les églises où ils savent que c'est une église religieuse, parce qu'ils savent que dans les églises religieuses, ils vont aussi trouver autres esprits qui sont aussi sur sa, il sera à l'aise. Mais si il se décide de partir dans une autre, dans une église vivante, par exemple, là il sait que il y a la vérité et la lumière va exposer leur mensonge et bien leur esprit. Et c'est pour cela même en Nigeria, quand ils sont en train de partir dans une église, ils doivent vraiment faire attention. It's like Ananias and Sapphira, they were in the wrong church. They were in the wrong church. I don't know what you're talking about. Die Ananias und Sapphira, die beiden waren in der falschen Gemeinde. Sie haben sich mit den falschen Leuten angelegt, sozusagen. Tout comme Ananias et Sapphira, par exemple, eux, ils étaient dans une mauvaise église. Dans, parce que si. Wrong, comment dirais-je? Ils étaient dans une fausse église parce que eux ils pensaient qu'ils sont dans une église religieuse, mais ils étaient dans une église vivante et c'est pour cela leur mensonge ou bien a été exposé en fait. You know, a living church is a wrong church for evil people. Eine lebendige Gemeinde ist eine falsche Gemeinde für bösartige Menschen. Une église vivante, c'est une mauvaise église pour les gens qui sont mauvais, qui ont des plans dans du diable dans leur cœur. Those that don't want to repent. Und mit bösartig meine ich nicht Menschen, die voll von Bösen sind, weil jeder ist voll von Bösen, aber Menschen, die voll von Bösen sind und die nicht Buße tun wollen, die im Bösen bleiben wollen. C'est aussi une mauvaise église pour les gens qui ne veulent pas se repentir, qui refusent de se repentir. Praise the Lord. Alleluia. We quickly go through the Lord's testimony. Wir gehen über das wir sprechen heute über das Zeugnis vom Herrn. On va parler du témoignage de l'Éternel. Praise the Lord. Alleluia. Christ's word is the Lord's testimony. Das Wort von Christus ist das Zeugnis des Herrn. La parole de l'Éternel, c'est son témoignage. And that word is you and me. Und dieses Wort bist du und ich. Et cette parole, c'est toi et moi. We are his testimony. Wir sind sein Zeugnis. Nous sommes ses témoignages. In Psalm 119. Let's go to Psalm 119. Psalm 119. On va regarder, on va lire. He said, "We are his testimony." Er sagt, wir sind sein Zeugnis. Là, il dit que nous sommes ses témoignages. Praise the Lord. Psaume 119. Please remain his testimony. Bitte bleib sein Zeugnis. Amen. C'est pour cela que je vous dis de rester son témoignage. He wants you to remain his testimony. Er will, dass du sein Zeugnis für immer bleibst. Il veut que tu puisses rester son témoignage pour toujours. Praise the Lord. Hallelujah. In Psalm 119, verse 145. Psalm 119, verse 145. Amen. Amen. He said, I cried with my whole heart. Hear me, O Lord. I will keep thy statue. Statue. Underline statue. Unterstreiche bitte Anweisung. Seigneur de tout mon être, je t'appelle, réponds-moi, je veux suivre vos directives. Souligner directives. And the next verse is 146. He said, I cried unto thee, save me, and I shall keep thy testimony. In 146 steht, ich rufe zu dir, hilf mir, so will ich deine Zeugnis bewahren. Bestreicht euch Zeugnisse oder markiert es euch, je nachdem, wo ihr seid. 146 dit, je t'appelle, viens à mon secours, je veux observer tes ordres. Then the next verse, which is 147, it said, I prevented the dawning of the morning and cried, I hoped in thy word. Understand, underline thy word. Dann unterstreicht dein Wort in Vers 147. Verset 147, on doit souligner ta parole. Then if also the next verse also talk about thy word. Look at it in verse 148. My eyes prevent the night watches, that I might meditate in thy word. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So if you live there, And go also to Joshua. To Joshua. In Vers 148 Joshua unterstreicht durch Wort Joshua bitte auch. Dein Wort. 148, il parle de ce que la parole dit. Avant la fin de veille de la nuit, mes yeux sont déjà éveillés pour méditer sur tes paroles. Donc, souligner tes paroles. On va partir vers Josué 1 à 8. 1 à 8. Praise the Lord. Hallelujah. If you go to Joshua 1, verse 8. Joshua 1, 8. Amen. Mm-hmm. It said, this book of the law, L-A-W, shall not depart out of your mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. The part we are going to deal with now, we are going to take is this book of the law. If you underline the book of the law, ayez soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre. Soulignez les paroles de ce livre. So we have, let me say, four things here: the statute, the testimony, the word. Then the book of the law. Wir haben hier vier Sachen: Anweisung, Zeugnis, dein Wort und Buch des Gesetzes. On a quatre choses. On a l'ordre, sa parole, les témoignages et les paroles de sa loi. They all mean the same thing. Und all das bedeutet das Gleiche. Tout ça, ça signifie la même chose. Amen. Amen. The statue. The testimony. The law. The word. They are all one. They are all the same thing. It's talking about the same thing. Es geht um das Gleiche. And all this also means you and me. Und all das sind wir, sind du und ich. Donc ces quatre choses, témoignage, ta parole, la parole de ce livre, c'est tout ça, c'est toi. Ces ordres, c'est tout ça, c'est toi. You know, all these four, they mean you. Amen. All diese vier bedeuten. We are his testimony. Wir sind sein Zeugnis. We are his word. Wir sind sein Wort. We are his statue. Wir sind seine Anweisung. Wir sind sein Gesetz. Tous ces quatre choses que je viens de lire, que nous sommes ses ordres, nous sommes ses témoignages, nous sommes sa parole, nous sommes aussi sa loi. Tout ça, c'est nous. Il parle de nous. And we are also his truth. Wir sind auch seine Wahrheit. Et nous sommes aussi sa vérité. We are born by his word. Wir sind geboren durch sein Wort. Nous sommes nés à travers sa parole. Amen. Amen. We are born by his statutes. Wir sind geboren durch seine Anweisungen. Nous sommes nés à travers ses ordres. We are born by his laws. Wir sind geboren durch seine Gesetze. Nous sommes nés à travers ses lois. By his testimony. Wir sind geboren durch sein Zeugnis. Nous sommes aussi nés à travers ses témoignages. As we all know, a dog gives birth to a dog. Wie wir alle wissen, ist, dass ein Hund einen Hund gebärt. Tout comme on sait que un chien fait naître un chien. A goat gives birth to a goat. Und eine Ziege gebärt eine Ziege. Une chèvre donne naissance à une chèvre. And we also know that Adam also a man gives birth to a man. So go to Genesis 5. Go to Genesis 5. 1. Mose 5. Tout comme un être humain, un homme donne donne naissance aussi à un autre humain. On va le lire, on va lire Genèse 5, verset 3. It said, Adam lived 130 years and begot a son in his own likeness after his image and called his name Seth. Praise the Lord. A man gives birth to a man. Ein Mensch gebärt einen Menschen. Ein être humain donne naissance à un être humain. John 1 said we are born by God. Johannes 1 sagt, dass wir geboren sind aus Gott. Jean 1 dit qu'on est né de Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Go to John 1. Johannes 1. 12 and 13. 12 und 13. On va lire Jean 1, 12 et 13. Amen. Praise the Lord. Amen. He said that as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Praise the Lord. Denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glaubten, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Amen. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui, à tout ce qu'il a accordé le privilège de devenir l'enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sur l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Amen. He gave birth to us. Er hat uns geboren. Il nous a fait naître. Umso früher du das weißt, umso besser für dich. Le plus vite que tu le comprends, c'est mieux pour toi. Stop seeing the flesh as your parents. Hör auf, das Fleisch als deiner Eltern zu sehen. Give you pain, more pain. Das wird dir Schmerz über Schmerz geben. Arrête de voir la chair comme tes parents, parce que ça va vraiment te blesser. Satan will attack whoever you call your parents. Der Satan wird, you see as your parents. Wird die Leute angreifen, die du als deine Eltern siehst. Le diable va vraiment attaquer tout personne que tu vois comme précieux comme tes parents. Amen. If you are seeing your mother, see the Christ in your mother as your parents. I don't know if you get deine it. Mutter anschaust, or your father. Si tu vois ton père ou bien ta mère, vois le Christ en eux comme vos parents. It is no longer the natural blood, but Christ's blood. Ce n'est pas le natürliche Blut, sondern das Blut von Christus. Voyez vos parents à travers le sang de Jésus-Christ qu'ils ont en eux et pas à travers le sang naturel qu'ils ont. The spiritual world uses blood a lot. And blood is like a water. It's water for them. Diese geistliche Welt nutzt sehr viel Blut und sie nutzen diese Flüssigkeit in Form von Blut und diese Flüssigkeit, dieses Blut, das trinken sie. Le monde spirituel utilise beaucoup le sang et le sang pour eux c'est comme pour nous de l'eau et ça ils sont en train de boire cette eau comme si see the blood of Christ. Schau auf das in your mother, your father's life. Im Leben deiner Eltern. Regarde et sois conscient du sang de Jésus-Christ dans la vie, dans le sang de tes parents. It's not just saying it with your mouth. Believe it in your heart. Glaube das wirklich in deinem Herzen. Faut pas juste le dire à travers tes lèvres. Tu dois vraiment le croire aussi, le dire à travers ton cœur. Amen. If you are just saying it with your mouth and your heart did not believe it, a test is going to come. It's a matter of time. Are you going, you know, how you fall down like a $2 suitcase? Will be a proof that you did not even believe it in your whole heart. Weil ob du es wirklich aus dem Herzen sagst oder aus dem Mund, das wird geprüft werden. Ne? Wenn etwas passiert, dann wird sich zeigen, wie du reagierst. Deine Reaktion wird zeigen, wie du es gemeint hast, ob du es aus dem Herzen gemeint hast oder aus dem Mund. Parce que tout ce que tu es en train de dire, ça va te, tes paroles vont t'examiner, oui, parce que quand tu dis quelque chose et quelque chose ça se passe, ton cœur va examiner si tu l'as dit vraiment, tu t'es sincère ou pas, parce que de la même manière tu seras, ça va te choquer ou bien ça va pas te choquer, c'est parce que est-ce que tu y crois à ce que tu dis ou bien tu, oui. Praise the Lord. Amen. You know, there's a place I wanted to go in Psalm. It said the world, you know, prove Joseph. Joseph, you know, Joseph, the world, whatever you believe is going to be proved. If you really believe from your heart. Was immer du glaubst, wird geprüft, ob du wirklich aus dem Herzen glaubst oder aus dem Mund glaubst. Tout ce que tu dis ou bien tu crois, ça va vraiment t'examiner si tu le dis vraiment de ton cœur ou bien tu le dis seulement avec tes lèvres. Praise the Lord. Amen. Amen. If God revealed things to you, it's going to be proved. Do you get it? Yeah. Wenn Gott dir Dinge offenbart, wird es geprüft. Si l'Éternel, tu es en train de... si l'Éternel te révèle quelque chose, la même chose, ça va aussi te tester. Praise the Lord. Amen. Let me leave there. Amen. So please, And that's why your believing must be from your heart and not just from your mouth. Dein Glauben muss aus deinem Herzen kommen, nicht aus dem Mund. C'est pour cela que ta foi, c'est que tu crois, ça doit venir de ton cœur et pas de tes lèvres. Praise the Lord. Alleluia. Amen. The Bible called Jesus the Son of God. Die Bibel nennt Gott nennt Jesus den Sohn Gottes. La Bible appelle Jésus-Christ le Fils de Dieu. The Son of God gives him birth to the Son of God. Der Sohn Gottes. And the Bible gebärt den Sohn Gottes. Und die Bibel nennt uns den Sohn Gottes. I don't know if you know that. La Bible nous appelle les enfants de Dieu. Go to Luke 1:35. Lukas 1:35. On va lire Luke 1:25. Praise the Lord. Hallelujah. Luke 1. Lucas 1. And the angel answered and said unto her, the Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We have to know that Jesus is the Son of God. Wir müssen wissen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. On doit comprendre et savoir que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Go to 1 John 3. 1 Johannes 3. On va le lire aussi à 1 Jean 3. Amen. Amen. First John 3, verse 1. 1 John 3, huh? Are we there, please? Mm-hmm. It said, behold, what manner of love the Father has bestowed upon us, upon you and me. Über dich und mich. Praise the Lord. Hallelujah. Le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés ses enfants. That we should be called the Son of God. Praise the Lord. Hallelujah. You can see that the Son of God giving birth to the Son of God. Vous êtes le Sohn Gottes gebärt den Sohn Gottes. Tu vois que le Fils de Dieu fait naître aussi un autre Dieu. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The Bible calls us the Son of God. Wir nennen uns Söhne Gottes. La Bible nous appelle les fils de Dieu. It means God is our Father. Ça signifie Gott ist unser Vater. Ça signifie que Dieu est notre Père. It means you are born by Him. Wir sind durch ihn geboren. Ça signifie que tu es né de Dieu. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. You are born by Him. Wir sind durch ihn geboren. Tu es né à travers l'Éternel, à travers lui-même. Go to Revelation 19. Offenbarung 19. On va lire Actes des Apôtres 19. Apocalypse, pardon, Apocalypse 19. Vers 13. Vers 13. Verset 13. Genesis. Revelation 19, verse 13. And he was clothed with a vesture dipped in blood. And his name is called the Word of God. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Apokalypse 19, Vers 13. Und er ist bekleidet in einem Gewand, das im Blut getaucht ist. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Il est vêtu d'un manteau trempé du sang, de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. Amen. Somebody that gave birth to you is called the Word of God. Jemand, der dir das Leben geschenkt hat, heißt Wort Gottes. La personne qui t'a donné la vie s'appelle la parole de Dieu. And it is the Word of God that gave birth to you. And the Word of God will not give birth to another word except the Word of God. Jemand, der dir das Leben geschenkt hat, heißt Wort Gottes. Und es ist dieses Wort Gottes, was dir das Leben geschenkt hat. Deswegen bist du das Wort Gottes. La personne qui t'a donné la vie s'appelle la parole de Dieu. Et la parole, cette parole de Dieu, c'est toi-même, c'est aussi toi-même. Praise the Lord. Même la personne de Dieu aussi en toi, donc tu es la parole de Dieu toi-même aussi. 1 Peter 1:23. 1 Petrus 1:23. 1 Pierre. Is a being born again? I'm Pierre 1:23. Is somebody getting something there? Are you already reading it? Yeah. Be born again, not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of God, Amen. Which liveth and abideth forever. Amen. 1. Petrus 1:23. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichen Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Car vous êtes né à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une sémence immortelle, la parole vivante et l'éternelle de Dieu. Did you read it? He said we are born by the word of God. Nous sommes born durch das Wort Gottes. Donc nous sommes nés à travers la parole de Dieu. It means the word of God is our father. Ça signifie le mot de Dieu, c'est notre père. Ça signifie la parole de Dieu, c'est mon père. The word of God gave birth to me. Das Wort Gottes hat mich geboren. La parole de Dieu nous a fait naître. The word of God never gives birth to another word. It always gives birth to the word of God. Das Wort Gottes gebärt nicht ein anderes Wort. Es gibt immer nur, es gebärt immer nur das Wort Gottes. Ça signifie que la parole de Dieu ne fait pas naître une autre parole. Ça fait naître seulement la parole, une autre parole de Dieu. Just like the Son of God will always give birth to the Son of God. Genauso wie der Sohn Gottes immer nur dem Sohn Gottes das Leben schenken wird. Tout comme le Fils de Dieu va toujours faire naître un autre Fils de Dieu. So also his testimony. Genauso sein Zeugnis. Tout comme son témoignage. He is our testimony. Er ist unser Zeugnis. Il est notre témoignage. You get it. He will give birth unto a testimony. Er wird gebären und das ein Zeugnis wird er gebären. Il va faire naître aussi un témoignage. I don't know if you are. I hope you are getting it. Please, you can listen to it. We have it. Amen. C'est un peu complexe. Écoutez ça encore à la maison une fois. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Alleluia. A testimony giving birth to a testimony. Ein Zeugnis gebärt ein Zeugnis. Un témoignage fait naître un autre témoignage. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. Let us go to John 21. Johannes 21. On va lire Jean 21. Amen. Mm-hmm. You know, Peter, Paul, John, they are all with him today. Petrus, Paulus, Johannes, sind alle bei ihm in dem am sichtbaren Himmel, im unsichtbaren Himmel. Pierre, Jean et ses disciples. Ils sont avec lui dans le royaume des cieux. How many of you believe that? Raise up your hands. Combien d'entre vous croient? Praise the Lord. Amen. Amen. Von euch glauben das. Then you should clap for yourself that you believe that. Amen. Praise the Lord. Vous devez être fiers de vous parce que vous êtes capable à croire que les disciples sont avec l'Éternel aujourd'hui. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. From 15 to 17, we will quickly read. Johannes 21, 15 bis 17. Jean 21, 15 à 17. He says, so when they had done, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, lovest thou me more than this? He said unto him, yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, feed my lambs. Praise the Lord. Hallelujah. If you love me, du mich liebst, you'll be there for one another. Werdet ihr füreinander da sein. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon Pierre. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? Oui, Seigneur, répondit-il. Tu connais mon amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Donc, maman vient de dire que si vous aimez Jésus-Christ, prenez soin l'un à l'autre. Verse 16, he said to him again, the second time, Simon, son of Jonah, lovest thou me? Verset 16, oui. He said unto me, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my sheep. He's saying that to you today also. Er sagt das zu uns heute. Ici, verset 16, tu vois qu'il a encore répété encore une fois. Et c'est qu'il dit ça, il dit à Pierre, à Simon Pierre, il dit ça aussi à toi aujourd'hui. Allow one another to be your testimony. Lass zu, dass ihr einander euer Zeugnis seid. Permet que l'un à l'autre puisse être ton témoignage. Just like we are the Lord's testimony. Genauso wie wir das Zeugnis des Herrn sind. Tout comme nous, nous sommes les témoignages de l'Éternel. Somebody get it something. Praise the Lord. Then verse 17. He said unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things. Thou knowest that I love thee. Jesus said unto him, Feed my sheep. Amen. Praise the Lord. Verset 17, il a encore répété la même chose. Et puis il a dit, Nourris mes brebis. You know all this for Peter. You know all this he said to Peter. They are not for Peter alone. Alles, was er jetzt zu Petrus sagt, ist nicht nur für Petrus alleine. Tout ce qu'il dit ici à Simon Pierre, il ne dit pas ça seulement pour Pierre lui-même. They are for you and me. This is for you and me. C'est un commandement pour toi et moi. Si tu l'aimes, c'est toi. Tu dois aussi agir ainsi. He is saying it to you and me. Il le dit à toi et moi aujourd'hui. Amen. Amen. Look at what Christ said concerning Abraham. Go to Romans 4. Romains 4. Schaut euch an, was Jesus über Abraham sagt. Romains 4, on va voir ce que Dieu a dit à Abraham. Praise the Lord. Amen. Romans 4. Römer 4. Verse 16 to the end. Römer 4, 16. Mm-hmm. Romans 4, 16, jusqu'à la fin. Mm-hmm. He said, therefore it is faith that it might be by grace. Amen. Mm-hmm. It is faith that it might be by grace. It is by believing. Not by walk, but by believing. Durch Glauben, nicht durch Werk. Römer 4, 16. Amen. It means it's not about, it's not by you, but by Christ. Nicht durch dich, sondern durch Christus allein. Voilà pourquoi l'héritage de, se reçoit par la foi. C'est pourquoi il soit, qu'il soit un don de la grâce. He said, to the end, the promise might be sure to all the seed. Not to that only, which is of the law, but to that also, which is of the faith of Abraham, who is the father of us all. I don't know if you are getting something. Ainsi la promesse se trouve confirmée à toute la descendance d'Abraham, c'est-à-dire non seulement à celui qui a la loi, mais aussi à celle qui partage la foi d'Abraham. Il est notre père à tout. Amen. Amen. That way you got it later. Let us read it forward. He said in verse 17, as it is written, I have made thee a father of many nations, before him whom he believed. Even God, who quickened the dead, and called those things which be not as though they were. Praise the Lord. Hallelujah. You never say things for fun. We never say things for fun. Wir scherzen nicht mit unseren Worten. Donc nous, avec nos paroles, on fait pas des blagues. Are you getting it? On blague pas à travers nos paroles. Amen. Amen. Then verse 18. Verse 18. Who against hope, believe in hope, that he might become the father of many nations, according to that which was spoken, so shall your seed be. 5 words. Amen. Verse 19. And being not weak in faith, he considered not his own body, now dead, when he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. Verse 20. Verse 20. He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. Amen. To 21. And being fully persuaded that what he had promised. Praise the Lord. Hallelujah. What he had promised, he was able to perform. Amen. Are you getting it? Amen. Then verse 22. And therefore, it was imputed to him for righteousness. You can see what the Lord called righteousness. Et dit parce que hier, non, adoptive. Gerechtigkeit nennt. Tu vois ce que l'Éternel appelle ici justice. C'est pourquoi Dieu l'a déclaré juste en portant sa foi à son crédit. Ça, c'est la justice de Dieu. La justice de Dieu. Abraham believed God. Abraham hat an Gott geglaubt. Le fait que Abraham a cru en Dieu. Amen. Amen. There's nothing to hope for, but it's belief. Amen. Nichts zum Hoffen, aber dennoch hat geglaubt. Donc, hoffnungslos. Tu vois, tu as un cas qui n'a pas d'espoir, qui n'a que tu pas, oui, qui n'a pas d'espoir, mais tu continues à croire en Dieu. Look at verse 23. He said, "Now it was not written for his sake alone." Are you getting it? Mm. It is not for Abraham alone. Es ist nur für God Abraham is allein. No respecter of a person. Ja, Gott bevorzugt keiner Menschen. Cette parole, c'est pas seulement pour Abraham, parce que Dieu, lui, il n'y a pas de personne qu'il préfère ou qu'il préfère de moi. Are you getting something here? He said that it was imputed to him, but for us also, all of us, God's children. C'était pour nous tous, les enfants de Dieu. To whom it shall be imputed, if we believe, amen, amen, on him that raised up Jesus, our Lord, from the dead. Amen. Who was delivered for our offenses and was raised again for our justification. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Are you seeing something that he is? Whatever God says is for all of us. Was immer Gott sagt, geht what an uns he alle. Said today, was er zu ihm gesagt hat, ist für mich und mich. That's what he's saying. Avec tout ce qu'on vient de lire, on peut voir que tout ce que l'Éternel dit, toutes ses paroles, c'est valable pour nous tous, pour toi et moi aujourd'hui. Ce n'est pas seulement pour Abraham ou bien pour Simon-Pierre, c'est aussi valable pour toi et moi. No time can change Christ. Keine Zeit kann Christus ändern. Il n'y a pas le temps. Le temps n'est pas capable de changer Jésus-Christ. He is the same yesterday, today and forever. Er ist der gleiche gestern, heute und für immer. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. You know, time changes everything here on earth. Zeit verändert alles hier auf Erden. It changes people. Ici, le temps est en train de changer tout sur Terre. Ça change même les gens. Amen. It controls everything. Es kontrolliert alles, not Christ. Aber nicht Christus. Le temps contrôle toutes choses aujourd'hui ici, mais ça ne contrôle pas Jésus-Christ. Are you getting it? Yeah. Praise the Lord. Yeah. You know, time, days, you know, control everything. That is why Mary, you know, that woman, that lady, that is... what do you call him? Lazarus' sister. He said he has been dead for 4 days. Mm. It means everywhere will be smelling. Then Jesus said, no, there's nothing like he has been dead for 4 days. Mm. 4 days is today also. Mm. 4 days and today, there's no difference. Mm. Before Christ. Amen. Amen. Und genauso wie als Lazarus verstorben ist und die Schwester gesagt hat, er liegt aber schon 4 Tage da drin, er müsste eigentlich schon riechen, aber der hat gesagt, für den Herrn ist das keine Zeit und er kann alles aus dieser Zeit rausnehmen, wie er lustig ist. Tout comme la sœur de Lazare a dit à Lazare que oui, il est mort il y a 4 jours passés. Et Jésus-Christ, pour lui, ça n'avait pas d'importance. Pour lui, il dit qu'il puisse être naître, qu'il puisse être mort 4 jours passés ou aujourd'hui, il n'y a rien d'impossible pour nous. Ça nous fait voir que Jésus-Christ, lui, il contrôle le temps. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Do not the book of Peter. He said, talks about time with the Lord. In Petrus geht auch oft Zeit. Dans le livre de Pierre, il s'agit beaucoup du temps. That's 2 Peter 3. 2 Petrus 3. C'est 2 Pierre 3. So those of you that are bothering, you know, that's to know your date, birthday or whatever. Date is coming, the yes. It's bothering you. Should never bother any child of God. Amen. It should never, it's irrelevant. Jahre vergehen oder sonstiges, das sollte Kinder Gottes niemals stören. Et c'est pour cela, le fait que le temps est en train de passer, le temps fait ses choses, ça ne doit pas être une chose qui nous inquiète, nous les enfants de Dieu. You know, if it is bothering you, you are crying like those, like number 12, number 13, number 13. When Moses sent the spies, and God said, I've given you the, he said, God said to Moses, you should send the spies. He sent the spies there, and they came and they were weeping for the victory they already have. I don't know. You are crying like those people. You are saying things like those people. How many people only believe? Joshua and Caleb alone. All other 10, they were weeping. They cried all through the night. Stop crying. Wenn wir um die Amen. Zeit weinen, die vergeht, dann sind wir so wie die sind wir wie die Spione, die in das Land Kana geschickt worden sind von Mose, danke. Und die sind ja in das Land gegangen und haben dann gesehen, dass das Land zwar fruchtbar ist und sehr fruchtvoll ist, aber dennoch sind da Leute, die halt richtig groß sind, Riesen und sehr gefährliche Menschen. Und sie sind zurückgekommen und haben gesagt, dass dieses Land ist zwar krass, aber wir können es nicht einnehmen, weil die sind stärker als wir und die werden uns zerquetschen wie Heuschrecken. Wir haben keine Chance gegen sie und deswegen haben sie geweint und waren traurig. Aber der Einzige, der geglaubt hat, dass der Herr ihnen das Land schon gegeben hat, waren Caleb und Mose und Joshua. Und das Problem ist, dass wenn wir uns von der Zeit beeinflussen lassen, von dem, was wir sehen und fühlen, beeinflussen lassen, wir genauso wie diese anderen Spione, die sich von dem beeinflussen haben lassen, was sie gesehen haben, anstatt einfach das zu glauben, was der Herr gesagt hat, so wie Joshua und Caleb. Genau. En fait, on doit comprendre que si on se rappelle de l'histoire où Moïse l'a envoyé des espions dans une cité pour espionner cette cité, les espions sont arrivés là, ils ont vu que cette cité avait beaucoup à manger, c'était bien, mais ils ont aussi réalisé que les adversaires étaient vraiment très puissants et ils ont eu peur en fait. Ils ont commencé, malgré l'Éternel avait déjà dit que oui, cette terre-là, ça vous appartient. Eux, ils ont vu seulement leur adversaire. Ils ont commencé à pleurer, à se faire des soucis. Il y avait seulement Caleb et Josué, c'était les seules personnes qui étaient en train de croire à l'Éternel. Malgré, ils ont vu que les adversaires étaient puissants, ça les a pas dérangés en fait, parce qu'ils savaient que ils ont cru à la parole de leur Dieu. Et si toi tu regardes au temps aujourd'hui et tu laisses que le temps puisse te contrôler, tu seras comme les autres espions, qui ont vu l'adversaire et qui ont commencé à se soucier, à pleurer, à crier comme. C'est pour cela on doit préférer être comme Josué et Caleb. Dans ce moment-là, parce qu'ils ont cru à la parole de leur père plus que ce qu'ils voyaient en fait. Bless the Lord. Hallelujah. 2 Peter 3, 8 and 9. 2 Petrus 3, 8 et 9. 2 Pierre 3. Il s'appelle 8 et 9. Beloved, be not ignorant. 2 Pierre 3, 8 et 9. Of this one thing. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. That one day is with the Lord as a thousand years, mm-hmm. and a thousand years as one day. Amen. Ah. Mais il y a un fait que vous ne devrez pas oublier, mes chers amis. C'est que pour le Seigneur, un jour est comme mille, et mille sont comme un jour. You know, in the natural world, days, time, control them. They should never control the kingdom of heaven. Amen. Werden Menschen von Tagen und Zeit kontrolliert, aber wenn du im Königreich Gottes bist, da wirst du von sowas nicht kontrolliert. Das ist verboten. Dans ce monde naturel, le temps contrôle les êtres humains, mais nous qui venons du royaume des cieux, le temps ne doit jamais nous contrôler. He said, "The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but His long-suffering is of." Not suffering to us what? Not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. If you believe, like Peter, like Paul, like Abraham, you will get the same result that he gets. Wenn wir so glauben wie Petrus, Paulus und Abraham, dann werden wir die gleichen Ergebnisse bekommen wie sie. Si tu crois comme Abraham ou bien Isaac ou bien tous les grands qu'on voit ici, tu vas avoir le même résultat que eux. You will get the same result like them. Du wirst die gleichen Resultate haben. If you believe like them. Wenn wir so glauben wie go to Romans 2:11. Si tu crois comme eux, tu vas avoir le même résultat. Look at Romans 2:11. On va lire Romains. Are we there, please? Romains 2:11. Romains 2:11. Who can read it? Who will help us to read it? Yes, Chat. Denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Amen. For there is no respect of persons with God. Romains 2:11. Car Romans Dieu ne fait pas de favorisme. Romains. Ou bien, car Dieu, no respect of a person with God. Car Dieu n'avantage personne. Es gibt kein Ansehen der Person bei Gott. Praise the Lord. Hallelujah. All you need from you is belief. Alles, was von ihr braucht, ist zu glauben. Believe. Tout ce qu'il a besoin de toi est de lui faire confiance, de lui croire. Ihm zu glauben, ihm zu vertrauen. You know, Hebrew 4. Let us go to Hebrew 4. Hebräer 4. On va lire Hébreux 4. He said they did not get the same results. Amen. You know, it's not about the message that is being preached. Amen. Es geht nicht um die Botschaft, die geprägt wird. Il ne s'agit pas du message qu'on va prêcher aujourd'hui, qu'on prêche. It's about belief. Es geht um den Glauben. Il s'agit de ta foi, ce que tu crois. Hébreux 4. Amen. Hebrew 4. Hébreux 4. Vers 2. He said, for unto us was the gospel preached, as well as unto them. The same gospel. Are you getting it? The same gospel. Das gleiche Evangelium. Amen. Quand nous avons reçu la parole de Dieu. And that's why we can have the same problem. I will be rejoicing, you will be sad. So können wir das gleiche Problem haben und du bist traurig und ich bin glücklich. C'est pour cela on peut même avoir même le même problème et moi je serai heureuse et toi tu seras triste. Amen. Look at it. It says, for unto us was the gospel preached as well as unto them. But the word preached did no profit them, not being mixed with faith in them that heard it. It's not your hearing it alone, but mixing it with faith. Es geht nicht nur um das Hören, sondern das mit dem Glauben vermischen. Das macht es aus. Das macht den Unterschied. Car nous avons reçu la parole de Dieu tout comme ceux qui étaient dans le désert. Or, ils ont entendu ce message sans aucun profit, car lorsqu'ils l'entendirent, ils ne le reçurent pas avec foi. Donc il s'agit d'écouter d'entendre la parole de Dieu et de le mixer avec la foi. You know, the word of Christ is being preached here. Das Wort von Christus wird hier gepredigt. Are you getting it? And you know, people come and go. You have people come and gehen. You can see. Sie ziehen weiter. Tout comme la parole de Dieu, on le prêche dans ce ministère ici par exemple, mais tu vois qu'il y a des gens qui viennent et les autres qui partent, et toujours comme ça. Then I started, I wanted to, I started, you know, almost questioned the word. I said, if it is your word, why can't it keep people in your kingdom? He said, it's not about the word. It's about their belief. Und ich war kurz davor schon so an zu zweifeln. No matter how much, you stay here. If you refuse to believe. That's what he's saying here. Und ich fing schon fast an zu zweifeln an dem Wort, was hier geprägt war, wird und sagen, Herr, weshalb gehen die Leute und kommen und gehen? Was ist da los? Weshalb kann das Wort sie nicht ergreifen und sie dazu bringen, hier zu bleiben? Aber er hat gesagt, es geht nicht um das Wort, was sie geprägt wird, sondern es geht darum, ob es mit Glauben bei den Hörern vermischt wird. Nur dann kann es sie, dann werden sie bleiben, sonst werden sie weiterziehen. Moi, je me suis demandé, j'ai commencé à douter de la parole. J'ai dit à l'Éternel, mais pourquoi? Si ta parole est vraiment la vérité, pourquoi les gens ne peuvent pas seulement rester ici quand ils écoutent ta parole qui est vérité? Et l'Éternel m'a répondu, il ne s'agit pas seulement de la parole, d'écouter, d'entendre la parole. Il s'agit aussi d'y croire, de mélanger ça avec la foi. Donc, tu peux même écouter, être ici 10 ans, mais si tu n'as pas la foi, tu ne mélanges pas ça avec la foi, c'est que tu écoutes, c'est ce que tu entends. Là, tu ne seras même pas capable à... Ça ne va rien changer, tu ne seras pas capable à rester ici. You know, I'm commission. You know, people, you know, somebody spent even 3 years here. And I could not see anything in him. I said, how is it possible, Lord? And somebody coming just 3 weeks, two months, is already getting it. You can see the fruit of the Spirit already. You can see it clean and clear in their life. And somebody that have been here for years, he's unable to you can see nothing. This is the problem. Ich habe mich auch gefragt, they did not believe. Jemand war 3 Jahre hier und nichts ist passiert. Nichts war da, aber eine Person, die 3 Wochen hier ist, man sieht, wie Dinge wachsen und sprießen in dieser Person. Die Frucht des Geistes. Und weshalb, woran liegt das? Und es liegt hieran, weil... das Hören nicht mit dem Glauben vermischt wurde. En fait, moi, je me suis même demandé, mais comment ça, il y avait quelqu'un, par exemple, qui était dans ce ministère, il était 3 ans, la personne était ici, mais tu n'as pas vu aucun changement. Mais autre personne, après 1 mois dans ce ministère, donc ils ont tout changé leur attitude. Et je me suis demandé, mais c'est quoi ça? Et c'est l'Éternel qui m'a fait voir que c'est leur foi. Ils sont en train de... ceux qui la parole, ils sont en train d'entendre... Il y a une personne qui prend ça avec foi et l'autre ne prend pas ça avec foi, il ne croit pas. Praise the Lord. Hallelujah. You want to say something? Yeah, das erinnert mich auch an das Gleichnis von dem Seemann. Mm-hmm. Where he said that there are people with different, that the heart is like a soil. Yeah. Some receive that, the word of God, at first with joy, mm-hmm. but this joy, because it's not... it's not rooted in them, yeah. Yeah, exactly. They will vanish. Mm. And there are also some who receive the word of God, but as soon as problems or persecution arise, they will go. Mm-hmm. So that's Matthew 13. Yeah. Mm-hmm. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He wants you to believe him. Amen. L'Éternel veut que tu puisses le croire. Mm-hmm. Amen. Amen. Also, Amen. Amen. Believe in him, is how you become his testimony. Ihm zu glauben, so wirst du zu seinem Zeugnis. Quand tu crois à l'Éternel, c'est comme ça que tu deviens son témoignage. Believe in him, is how you become his testimony. Ihm zu glauben, so wirst du sein Zeugnis. Amen. Si tu lui crois, tu deviens son témoignage. Amen. Amen. It is not because God prefers others to them. It's about the world. Profit them nothing because it was not mixed with faith. Und zwar nicht, weil Gott auf einmal keinen Bock mehr hatte auf die Leute, sondern zwar, weil sie das, was sie gehört haben, nicht mit Glauben vermischt haben. C'était pas seulement parce qu'ils ont seulement cru comme ça, ou bien entendu comme ça la parole de Dieu, mais quand ils ont entendu et puis ils ont mélangé ça avec la foi, là, les personnes, là ils ont vu des résultats. Again, the Lord never preferred anybody to anybody. But because they did not believe like others, they cannot get the same result like others. Now, und es ist nicht so, weil der Herr eine Gruppe mehr mag als eine andere Gruppe, aber es ist, weil ne, diese eine Gruppe sich für Christus entschieden hat, das, was sie gehört hat, zu glauben. Und deswegen funktioniert es für sie und für die anderen halt eben nicht. Donc c'est pas que il y a une personne qui croit plus que l'autre, mais c'est une décision que chacun prend pour soi de croire la parole qu'ils écoutent ou bien pas, ou bien qu'ils ne croient pas. You know, the scripture is for us. Die Schrift ist für uns. La Bible, les paroles, c'est pour nous. Amen. Everything belongs to us. Alles hier gehört uns. L'écriture nous appartient, tout ça. What he said to Joshua belongs to you also. Alles in diesem Wort, was hier steht, gehört zu uns. Was er zu Joshua sagt, sagt er auch zu uns. Tout ce qui est écrit dans l'écriture, ça nous appartient. Ce qu'il dit à Josué, ça nous appartient aussi. Joshua 1 again. Joshua 1. Josué 1. Praise the Lord. Hallelujah. Please know your identity. Please. Kenne bitte deine Identität. Lebe bitte deine Identität. Amen. Tu dois connaître ton identité. Tu dois aussi vivre ton identité. Live like who you are. Liebe so wie du bist. Crois, vis comme qui tu es. Praise the Lord. Stop living fake life. Hör auf ein Doppelleben oder ein falsches Leben zu führen. Arrête de vivre une vie qui ne t'appartient pas, qui est fausse. The life Satan wants you to live is fake life. Das Leben, was der Teufel für dich hat, just stop living that like that. Falsches Leben. La vie que le diable veut que tu puisses vivre, c'est une vie fausse. C'est pas la bonne vie. Et arrête de vivre cette vie. Praise the Lord. Alléluia. Amen. If we really understand our identity, it's over with Satan. Wenn wir unsere Identität wirklich kennen, ist es vorbei mit dem Satan. Amen. Si on comprend vraiment l'identité de Jésus-Christ, notre identité en Jésus-Christ, là le diable a été vaincu. You are the Lord's testimony. Wir sind das Zeugnis des Herrn. Nous sommes le témoignage de l'Éternel. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. In Joshua 1, from verse 1. Joshua 1, verse 1. First of all, in verse 1, we talk about Moses. He said, now, after the death of Moses, the Lord was with Moses. Der Herr war mit Moses. L'Éternel était avec Moïse. It's not because Moses was Moses, but because Moses believed him. Nicht weil Mose Mose war, sondern weil Mose ihm geglaubt hat. Il s'agissait, Dieu était avec Moïse, pas parce que Moïse était Moïse, mais il était avec Moïse parce que Moïse l'a cru. He said, now after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua, the son of Nun, Josué, Moses' minister, saying, Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, thou and all these people, unto the land which I do give to them. Even to the children of Israel. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 3. Every place that your soul, the sole of your foot shall tread upon, that I have given unto you, as I said unto Moses. You see, he said the same, what I said unto Moses is also for you. Was ich Mose gesagt habe, sage ich auch dir. C'est que j'ai dit à Moïse, ça je le dis aussi à toi. Praise the Lord. Amen. I don't know. Are you getting it, please? Then in the look at from verse 5. Verse 5. He said, there shall not any man be able to stand before thee all the days of your life. You know, if God can promise the old and be with them like this, how much more now? Wenn der Herr das den Menschen im alten Bündnis versprechen konnte, wie wir jetzt im neuen Bündnis sind. Deswegen ist es so wichtig, unsere Identität zu kennen. C'est vraiment important de connaître notre identité parce que tout ça, l'Éternel a promis aux gens qui étaient dans l'ancienne alliance, qui n'étaient même pas si grands que nous. Mais maintenant, nous, avec la nouvelle alliance à travers le sang de Jésus-Christ, on voit que s'il était capable de promettre quelque chose de si grand à Moïse, combien de plus il va nous promettre aujourd'hui des histoires vraiment qui sont vraiment énormes. You know, nothing of Christ ever pass away. Nichts von Christus. Heaven and earth will pass away, but my word never pass away. Himmel und Erde werden vorbeiziehen, wenn vorbeigeht. Aber sein Wort bleibt. My healing never pass away. L'Éternel a dit que. I still heal. I'm a healer. Amen. I'm your health. Amen. L'Éternel a dit que la terre et le ciel peuvent, ça va passer, mais lui, il ne passe jamais. C'est comme ça aussi qu'il dit que même ta guérison va jamais passer, parce que lui, il est ta guérison. Meine Heilung zieht niemals an dir vorbei. Ich bin immer noch Heilung. Du bist immer noch geheilt durch mich. Amen. He said, there shall not any man be able to stand before thee all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with thee. I will not fail thee, nor forsake thee. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You know, the Old Testament, you know, all these, they are still there for us, so that we can know if the Lord can be with them, a servant. You know, if you read verse 1, he said, my servant. Look at it. My knecht. Now, after the death of Moses, the servant of the Lord. You are not a servant. A son is greater than a servant. Amen. If he can be with a servant, how much more with a son? Wenn wir Vers 1 sehen, sehen wir, dass es steht, dass es um einen, dass er hier zu seinen Knechten spricht. Ne? Und auch nochmal diese Betonung auf dieses alte Bündnis, in dem diese Leute gelebt haben und dennoch diese Versprechen bekommen haben, diese Sicherheiten bekommen haben. Wie viel mehr wir, die wir jetzt im neuen Bündnis leben und dieses Bündnis, was ja im Blut von Jesus Christus passiert. Und deswegen sind wir ja auch keine Knechte mehr, sondern Söhne durch sein Blut. On voit que ici, il a parlé aux serviteurs, non? Verset 1, Moïse, le serviteur du Seigneur. Là, dans l'ancien alliance, ils étaient des serviteurs. Mais nous, maintenant, nous sommes des fils de Dieu. Donc, ça signifie que s'il était capable à promettre des grandes choses à son serviteur, combien de plus il va nous promettre aujourd'hui ses fils, ses propres fils des histoires. Let us remain his testimony. Lasst uns sein Zeugnis bleiben. On doit vraiment apprendre à rester ses témoignages. Amen. Amen. Look at verse 6. He said, be strong and of good courage. He's saying it to you. Verset 6. Be strong. Be stark in him. Sois courageux et fort, car c'est toi qui es donné. Allow him to be your strength. Lass zu, dass deine Kraft ist. Permet l'Éternel à être ta puissance. It's not for accepting Satan, accepting the will of Satan is far for him. Amen. Und damit meine ich nicht, dass wir 4:4 uns allzeit freuen, indem wir den Willen des Satans akzeptieren, sondern 4:4 in Christus. Il ne s'agit pas de dire se réjouir dans ce monde, dans le sens de ce monde où j'accepte n'importe quelle situation et puis je me réjouis. Non, il s'agit de se réjouir dans sa manière. Are you getting it, please? Praise the Lord. Sa propre manière. Amen. He wants us to rejoice always. Er möchte, dass wir uns ständig freuen. 4:4. Philippiens 4:4. Amen. Philippiens 4:4. Il nous dit qu'on doit se réjouir toujours. Rejoice in him and not in those things. In whatever situation. Rejoice in Christ. In Christus freuen. On doit se réjouir en Christ dans chaque situation, en lui. I'm not happy because I failed. I'm happy because I have him. Ich bin nicht glücklich, weil ich versagt habe. The result is not my life. He is my life. Ich bin glücklich, weil ich Christus habe. Das Ergebnis is not rejoicing in evil. It's in Christ Jesus. Yeah. Deswegen ist es sich allzeit freuen. Wir freuen uns nicht in dem Bösen, sondern wir freuen uns in Christus, in dem, was wir in Christus sind. Et c'est pas se réjouir dans l'Éternel parce que oui, on accepte la situation, mais il s'agit de se réjouir parce qu'il est en nous. Yes. Can we maybe go quickly to Nehemiah 8:10? We read it yesterday. Mm-hmm. And Bible studies what also about the strength of the Lord. Mm-hmm. Okay, Nehemiah what? 8:10. Verse 10. Okay, we'll go there later. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He said, be strong and of good courage. For unto these people shall thou divide for an inheritance the land, which I swear unto your fathers to give them. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Jésus 1:6. Are you getting it? Mm. Only be thou strong and very courageous. Praise the Lord. Hallelujah. You know, here is telling us to allow our focus to completely be Christ. Ich sehe, dass unser Fokus vollkommen auf Christus liegen soll. Ici, il nous dit qu'on doit avoir notre concentration vraiment en Jésus-Christ. Amen. Amen. Go to the Nehemiah that my son talked about. Amen. Nehemiah. Let us go there. Let me see what he said. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. On va lire Nehemiah. Nehemiah 8:10. Praise the Lord. Hallelujah. Vers 10. Praise the Lord. Hallelujah. Nehemiah 8, verse 10. Are we there, please? Mm-hmm. Then he said unto them, go your way, eat the fat, and drink the sweet, and send portion unto them, for whom nothing is prepared. For this day is holy unto our Lord. Neither be ye sorrow, for the joy of the Lord is your strength. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Allow the joy of the of Jesus Christ to be your strength. Lass uns die Freude von Jesus Christus deine Stärke sein. Ici, dit, ne soyez pas dans la tristesse. La joie qui vient du Seigneur doit vous donner la force. Ça, tu dois vraiment aussi le vouloir. The joy of the finished work of Christ. Die Freude über das fertige Werk soll deine Stärke sein. La joie de l'œuvre de Dieu qui est déjà accomplie doit vraiment être ta force. It's not the joy of the Lord is going to do it to be your strength. That's not the joy he's talking about. Er spricht nicht von der Stärke, dass der Herr es irgendwann tun wird. Il ne parle pas de la joie que l'Éternel va le faire. The joy of he has finished the work. Sondern die Freude darüber, dass er das Werk schon vollbracht hat. Das soll eine Stärke sein. Mais c'est la joie que son œuvre est déjà accomplie. C'est ça qui doit être ta force. Are you getting it? Mm. You know, when Jesus, you know, he finished all and he said it is finished. Jesus hat alles vollbracht und gesagt. He never left anything undone. Vollbracht. Er hat nichts ungetan. Gelassen, übrig gelassen. Amen. L'Éternel, il a dit que c'est déjà accompli, tout est déjà accompli. Et donc, il n'a plus rien laissé. As far as you never give up. Nicht aufgeben ist der Weg schon unser. Amen. Never give up on the finished work of Christ. You don't stop believing him that he finished up. Wir hören nicht auf daran zu glauben, dass er alles schon vollbracht hat. On ne cesse pas à croire qu'il a déjà tout accompli. It is not believing him that he's going to do it. Believing him that he has done it. Uns geht nicht um zu glauben, dass er es tun wird, sondern glauben, dass er es schon getan hat. Il ne s'agit pas de croire qu'il va le faire, mais il s'agit de croire qu'il l'a déjà fait. It's like John 16. It's the same thing that is in John 16. Gleich was in Johannes 16. John 16. Put something here. In the Sunday room, then quickly go to John 16. Johannes 16. I do not want to speak John 16 because of a lot of things. Amen. Mm-hmm. John 16, please. Johannes 16. Praise the Lord. Amen. Verse 33. 33. He said, these things have I spoken 33. Unto you, that in me you might have peace. How to have peace? So haben wir Frieden. How to have the peace comment of Jesus? Avoir la paix de Jésus Christ. It's only through Christ you have his peace. Nur durch Christus haben wir seinen Frieden. Praise the Lord. Amen. No matter the hurricane. Egal wie groß dieser Sturm ist. C'est seulement à travers l'Éternel qu'on a la foi et la joie. Peu importe quelle situation, comment c'est grand. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. No matter the blow. Egal wie die Fäuste fliegen. Peu importe comment c'est dur, combien c'est dur. Amen. These things have I spoken unto you, that in me you might have peace. In me. It's only through him we have peace. Nur durch ihn haben wir the peace Frieden. That Satan can never den Frieden, den der Satan nicht antasten kann. C'est seulement à travers l'Éternel qu'on a notre paix. C'est une paix que le diable ne peut même pas ne peut pas toucher. If you have his peace, you are never in haste. Wenn wir seinen Frieden haben, sind wir niemals in Eile. Amen. Parce que si tu as la paix de l'Éternel, tu ne seras même pas tu ne vas pas tu seras jamais pressé. Tu seras pas pressé, merci. If you have his peace, you will never look at time. No time, no days, no years. Si tu as sa paix, tu vas même pas regarder au temps. Amen. In the world, you shall have tribulation. Tests will come, even news will come, tests will come. There will be provocation. Es wird Bedrängnis geben, Dinge werden kommen, Dinge werden passieren, aber... But is greater than what he said before. Il a dit que dans ce monde, on aura des tribulations, on aura beaucoup de souffrances, il y aura des nouvelles qui vont vraiment te secouer, mais, il a dit mais, le mais, c'est, quand tu dis mais, la chose qui vient après mais, c'est toujours grand que... C'est un argument qui est toujours plus grand de ce que tu es en train de dire. Whatever comes after bet is very strong. Was immer nach dem aber kommt, ist sehr stark. Tout ce qui vient après mais, c'est vraiment puissance. And that's why somebody, if you are telling people things and they are saying aber, bet, you know they are not there. Wenn du Leuten etwas sagst und sie immer wieder aber sagen, dann haben sie das nicht verstanden, was du sagst. Si tu dis à quelqu'un quelque chose et la personne dit oui, mais ça signifie que la personne n'a même pas compris ce que toi tu veux dire. He said, but be of good cheer. I have overcome. It did not say I'm going to. I have. Past tense. Amen. You already have victory before those problems come. Wir haben schon einen Erfolg, bevor diese Probleme gekommen sind. On a déjà une victoire avant que les problèmes puissent venir. I don't know. Praise the Lord. You know, if we can understand him, we will never be sad in a second. Wenn wir ihn wirklich verstehen, werden wir niemals traurig sein. Si on veut vraiment comprendre l'Éternel, on va jamais être triste. Amen. Back to Joshua 1. He said, only be On va rentrer à Josué 1, verset 7. Only be thou strong. Be strong. Wie stark sind. Allow your focus to be Christ. Indem wir unseren Fokus auf Christus haben. Il a dit ici, il nous dit que rester courageux et fort. Et comment être courageux et fort, c'est quand ta concentration est Jésus-Christ lui-même. I'm very courageous. Are you getting it? It's for you and me. Everything is there for you and me. He's talking to you, he's talking to me. Amen. Be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law. He's talking about what Christ, you know, the word of Christ today. Es geht das Wort von Christus. That he has finished. Il s'agit de la parole de l'Éternel pour toi, qu'il a déjà tout accompli. Believe the Lord that he has finished. Glaube an den Herrn, dass er es vollbracht hat. Crois à l'Éternel qu'il a déjà tout accompli. Amen. Amen. You might have the problem that others are having, but believe the Lord that it is finished. Du hast vielleicht die you have another father that they don't have. Aber glaube, dass das Werk vollbracht ist in einem anderen Vater. Amen. Tu as peut-être le même problème que autres personnes ont aussi, mais toi tu dois croire que c'est déjà accompli parce que tu n'as même pas le même père que eux. Donc ça signifie que si toi tu as un problème, le tien est déjà accompli parce que ton père est aussi différent du père de ce monde. No, here he said, which Moses, my servant, commanded. It's no longer Moses, but Christ. Je suis Moses and Christos. Did somebody get it? Ici, il s'agit même plus de Moïse, mais il s'agit de Jésus-Christ. Amen. Amen. There was the time of Moses, but now is the time of Christ Jesus. Amen. Il y a eu le temps de Moïse, mais maintenant c'est le temps de Jésus-Christ lui-même. Amen. And Jesus said, the word that I speak unto you, their spirit, their life. My word alone. Ich zu dir spreche, sind Geist. Mein Wort, nicht das Wort von Moses, sondern my word. Les paroles que je te porte, que je te parle aujourd'hui, c'est son esprit et vie. Ma parole, c'est pas la parole de Moïse. Praise the Lord. Amen. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. You know, if the old can make them prosper, how much more the new? Wenn das alte Versprechen ihm Wohlergehen schenkt, wie viel mehr das neue Bündnis? Si l'ancien promesse avec avec l'ancien alliance est en train de faire que les gens puissent être si confortables, combien de plus la nouvelle alliance avec Jésus-Christ comme promesse? You know, the Bible called the latter. He said the latter kill it, but the spirit gives life. Die Bibel sagt, dass der Buchstabe tötet, aber der Geist schenkt Leben. La Bible dit que la parole ou bien les lettres sont en train de tuer, mais l'esprit donne la vie. Amen. You know, if the here is talking about the letter now. Es geht hier um den Buchstaben. If the letter can do anything at all, how much more the spirit? Wenn der Buchstabe hier etwas tun kann, wie viel mehr der Geist? Ici, quand il parle de lettres, il parle aussi comme de la loi de Jésus, la loi de Moïse. Letter killer, the spirit is life. Praise the Lord. Donc si la lettre ça tue, la loi ça tue, mais l'esprit qui donne la vie. That thou mayest prosper whithersoever thou goest. Verse 8. This book of the law shall not depart out of your mouth. You know, the same thing here is also in this Colossians. Look at Colossians. On va lire Colossians 3. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Colossians 3, verse 16. It says, "Let the word of Christ dwell in you, richly in all wisdom. Let the word of Christ." The word Jesus said, Christ said, the word that I speak unto you, they are spirit and life. And here he said, let the word of Christ dwell in you richly, in all wisdom, teaching and admonishing one another, in psalms, in hymns, in spiritual songs, singing with grace in your heart to the Lord. It's the same thing. C'est das gleiche. Amen. Que la parole du Christ avec toute sa richesse habite en vous. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns et les autres avec une pleine sagesse. Verset 17. And whatsoever you do in words or deed, do all in the name of the Lord Jesus. Give it thanks to God and the Father by Him. You know, we just read things, we just read it, and just it's as if we forget it. Amen. Tout ce que vous faites en parole ou en action, faites-le au nom du Seigneur, Jésus le remerciant, par lui, Dieu le Père. Amen. Amen. Joshua 1:8, this time. Look at it. This book of the Lord shall not depart out of your mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make your way prosperous. And then thou shalt have good success. Praise the Lord. Amen. Then in verse 9, now talk about be strong and be courageous. Joshua 1:9. Wiederholt er auch nochmal stark und mutig zu sein. Be strong in Jesus. Il nous rappelle aussi d'être fort et fort en Jésus Christ. You know, first was Moses, now Joshua, and now today is you and me. Amen. Erst war es Mose, dann Joshua, und jetzt ist du und ich. Avant c'était Moïse et puis c'était Josué et aujourd'hui c'est toi et moi. 2 Timothée 3:16. 2 Timothée 3:16. Praise the Lord. Amen. So all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Did you see that? Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Did you see it, please? Mm-hmm. Then in Romans 15, verse 4, saying the same thing. Romans 15:4. Romains 15, verset 4. Verse 4. He said, for whatsoever things were written aforetime, were written for our learning. You see there. Romans 15:4. Amen. 15. What belongs, you know, what the Lord has for us has been coming from the beginning. was der Herr für uns hat, ist schon von Anfang an vorbereitet worden. Ça nous fait voir que tout ce que nous, on, l'Éternel a pour nous aujourd'hui, ça a déjà été créé, réservé pour nous dès le commencement déjà. For whatsoever things we have written aforetime, we have written for our learning, that with true patience and comfort of the scripture might have hope. Praise the Lord. Amen. It is written for us, for you and me. Ist für dich und mich geschrieben. Il est écrit pour nous, toi et moi aujourd'hui. Remember, after prayer is testimony. Nach dem Gebet ist das Zeugnis. Rappelle-toi qu'après la prière, c'est le témoignage. Amen. After prayer is testimony. Nach dem Gebet ist das Zeugnis. Après le témoignage, la prière, c'est le témoignage. Amen. It is not after prayer you see then testimony. After prayer testimony. Sehen und dann Zeugnis. Nach dem Gebet ist das Zeugnis. C'est pas d'abord prier et puis voir et puis après le témoignage. Non, tu pries et d'abord tu fais le témoignage. Le voir, ça, c'est après. I don't know if you are getting it. Yep. You know, in religious world, it is after prayer you see the testimony. But in Christ world, after prayer is testimony. In der religiösen Welt betest du, wartest du auf ein Ergebnis und dann gibst du ein Zeugnis. Aber im Königreich Gottes betest du und du gibst das Zeugnis aus Glauben. Dans le monde, les religieux, eux, ils prient, ils voient d'abord quelque chose et puis ils donnent des témoignages. Mais nous, dans le qui appartenons au royaume des cieux, vu que le cinq sens, ça ne nous contrôle pas, c'est l'esprit qui nous contrôle. Après la prière, tu crois déjà et puis tu donnes directement le témoignage. Et ce que tu vois, ça vient après, ça suit. You know what? Waiting until you see before you give testimony is not faith. Warten, bis du siehst, ist kein Glauben. Nee. Ja, warten, bis du siehst, bevor du das Zeugnis gibst, ist kein Zeugnis. Quand tu attends pour avoir ou bien recevoir, ou quand tu attends d'abord une manifestation pour donner un témoignage, ça, c'est pas croire, c'est pas avoir la foi. You are testifying for what you have. Du gibst Zeugnis von dem, was du hast. Parce que quand tu donnes un témoignage, tu témoignes. What tu, you really have. Tu es en train de témoigner ce que tu as vraiment. Von dem, was du wirklich hast. And not what you are going to have. Nicht von dem, was du haben wirst. Et pas ce que tu auras. Amen. Amen. If we have seen it, if we have seen it, no need to even testify. Wenn wir es gesehen haben, brauchen wir kein Zeugnis geben. Parce que si on le voit, on n'a même pas besoin de donner un témoignage. You can see how religion turned everything upside down. Et on peut voir comment la religion a changé le sens de toute chose. Wie die Religion das alles verdreht hat. And that's why people start walking by sight until they see. They want to see. They are expecting the life of expectation. Joseph never expected anything. Deswegen wandeln Leute in Erwartung und warten auf Dinge, dass sie passieren. Und wandeln Leute im Schauen, genau. Leute wandeln im Schauen, warten, bis Dinge passieren. Aber Josef hat auf nichts gewartet, nichts erwartet. C'est pour cela les gens sont en train d'attendre, avant, sont en train de vivre dans le monde plein d'espoir, d'abord de manifestations, avant de dire quelque chose, avant de dire que je suis enceinte, je dois d'abord faire mes tests, quelque chose comme ça. Joseph, lui, par exemple, quand l'Éternel lui a dit qu'il sera un roi ou bien qu'est-ce qu'il sera, lui, il n'a pas attendu la manifestation, ça ne l'intéressait pas. If you really believe that the Christ in you is your victory, you will give testimony after prayer. Wenn du wirklich glaubst, dass der Christus in dir dein Erfolg ist, dann wirst du Zeugnis geben nach dem Gebet. Si tu crois vraiment que Jésus-Christ est ta victoire, toi, tu vas directement donner un témoignage sans même attendre. Remember Joseph. You know, Joseph never pursued his dream. Joseph war nicht hinter seinen Träumen. It was not after. He never even mentioned it. Er hat gar nicht mehr darüber gesprochen. Joseph, par exemple, si on voit bien, Joseph, Dieu lui a révélé quelque chose par un songe, et puis il n'a même pas pensé beaucoup à ça, il n'a pas médité sur pour où l'Éternel m'a dit que je serais un roi, je serais vraiment important dans ce monde. Il n'a pas médité sur ça, il a médité sur l'amour de l'Éternel envers lui. If you are living after expectation, you are going to pursue expectation. Wenn du hinter Erwartung lebst, wirst du Erwartung auch suchen, jagen. Si toi tu es en train de vivre dans le monde d'espoir, tu vas commencer toujours à chercher, à attendre, à vivre derrière, derrière les manifestations, parce que tu as toujours l'espoir. Tu dois toujours attendre et voir d'abord avant de faire quelque chose. Ça, c'est pas la foi. And Satan have different ways you can achieve it. Und Satan hat verschiedene Wege, wie er das erreichen kann. Et le diable a plusieurs chemins pour, oui, pour avoir les gens. Amen. Amen. How you get there is more than getting there. Pour atteindre son but. Wie wir dorthin kommen ist wichtiger als das Hinkommen. Comme le comment d'y arriver là où on veut arriver ou bien on doit arriver, c'est plus important du fait que tu es y arrivé. Donc le comment est vraiment important. You know how to bring your victory from the spiritual world into the physical world. You have to know it. Allow your focus to be Christ alone. It's so fast, you will not even believe it. Wie wir unseren geistlichen Weg in die physische Welt bringen, ist, indem wir unseren Fokus auf Christus haben. Und das wird so schnell passieren, so schnell kannst du gar nicht gucken. Comment avoir la victoire dans le monde spirituel, et c'est quand on a notre concentration vers Jésus-Christ. Amen. Yeah. You know, when you see and when they see are two different things. Wenn du siehst und wenn sie sehen, das sind zwei verschiedene Momente. Quand toi tu vois et quand le monde voit, ce sont deux temps différents. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. Joseph's heart was for God alone. Joseph's Herz war für Gott allein. Le cœur de Joseph c'était sa battait seulement pour l'Éternel. Donc pas pour la promesse mais seulement pour l'Éternel. Praise the Lord. Allow the heart to be from the Lord. Lass zu, dass das wie vom Herrn kommt. Tu dois accepter que le comment tu vas atteindre ton but, ça vient à travers l'Éternel, de l'Éternel. Joseph never pursued his dreams, but the Lord. Joseph war nie seinen Träumen her, er war hinter dem Herrn her. Et si tu vois Joseph, lui, il était derrière l'Éternel, il n'était pas derrière la révélation de l'Éternel. You know, Satan wanted to provide a way out for him to achieve his dream. Mm-hmm. Amen. Through that woman. Wollte ihm einen Ausweg geben, wie er schneller zu seinem Traum kommen könnte. Le diable voulait aussi donner à Joseph un autre chemin qui sera même qui va atteindre son but le plus vite que possible à travers la femme de Potiphar par exemple. He was able to reject evil offer because he was not after his dream but after the true God. Und er war in der Lage diese Abkürzung zu verweigern, die böshaftige Abkürzung zu verweigern, Amen. Weil er hinter dem Herrn war und nicht hinter diesen Träumen. Et lui, il était capable de il était capable de ne pas vouloir de rejeter la femme de Potiphar parce qu'il n'était pas derrière son but de la révélation de l'Éternel, il était derrière l'Éternel lui-même. C'est pour cela qu'il était capable de dire non. He never lived in expectation. Er hat nicht in Erwartung gelebt. What about you? Jésus-Christ, Joseph n'a jamais vécu dans l'espoir et toi qui Praise the Lord. Est-ce que tu vis dans l'espoir ou bien tu es en train de suivre l'Éternel lui-même? No, a lot. Until I marry. Once I marry, it's over with the Lord. Viele, wenn sie heiraten, ist es dann vorbei. Once I marry, I don't even need. Weil dann brauche ich. Why even need then? Brauche ich den Herrn? Brauche ich die Gemeinde überhaupt noch? Il y a beaucoup de gens qui se disent que oui, j'ai seulement besoin. Je suis à l'église seulement jusqu'à ce que je veux me marier et puis je veux avoir des enfants et après ça, j'ai même pas besoin de l'église. Il y a beaucoup qui pensent comme ça. Ich heirate, habe meine Kinder, habe meinen Ehemann, habe mein eigenes Nest und braucht all das gar nicht mehr dann. Amen. Amen. If you do not allow his grace to be in vain, you are his testimony. Wenn wir nicht zulassen, dass seine Gnade vergeblich ist, sind wir sein Zeugnis. Si on laisse que sa grâce n'est pas en vain dans notre vie. Là, on est sans témoignage. Nous sommes Look at what Paul said in 1 Corinthians 15. 1 Corinthiens 15, on va voir ce que Paul a dit. 1 Corinthiens 15. Paul sagt. Praise the Lord. Alléluia. 1 Corinthiens 15, verse 10. 1 Corinthiens 15, verse 10. 1 Corinthiens 15, verset 10. Praise the Lord. Hallelujah. He said, "For by the grace of God, I am what I am, and His grace, which was bestowed upon me, was not in vain. But I labor more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God, which was with me." Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You can see somebody that is so occupied with Christ. Es ist jemand, der vollkommen umgeben ist mit Christus. 1 Corinthiens 15, 10, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et la grâce qui m'accorde n'a pas été inefficace. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres. Oui. Et tu peux voir la grâce de Dieu, quelqu'un qui est en train de donner plus valeur à la grâce de Dieu que autre chose dans ce monde. Amen. You know, Christ's death was not in vain for him. Der Tod von Christus war nicht vergeblich für ihn. Ici on voit que la mort de Jésus-Christ n'était pas en vain pour Paul. His blood was not in vain. The blood he shed. War nicht vergeblich für ihn. Le sang de Jésus-Christ n'était pas en vain pour lui. Paul is a testimony. Paul Amen. Ist ein Zeugnis. He's the Lord's testimony. Amen. Es ist Zeugnis des Herrn. Paul, par exemple, il est le témoignage de l'Éternel. Amen. Amen. What about you? Was mit dir? Et toi? Amen. Christ is not ungrateful. Christus ist nicht undankbar. Er ist dankbar. L'Éternel n'est pas ingrat. Il est vraiment, oui, il est vraiment bon. Amen. He is not ungrateful. He is reconnaissant. Er ist dankbar. Il n'est pas, il est vraiment reconnaissant. And the Lord is saying thank you. Und der Herr sagt thank danke. You. Et l'Éternel for not allowing my blood to be in vain. Dass mein Amen. Blut nicht vergeblich für dich geflossen ist. L'Éternel te dit aujourd'hui merci parce que tu n'as pas laissé que son sang puisse couler en vain. Amen. He said, without you, it is as if I died for nothing. Ja, ohne euch wäre es, als ob ich vergeblich gestorben bin. Il dit que parce que sans vous, ça sera comme si je suis mort pour rien. He said, thank you for being there for me. Danke, dass ihr für mich da seid. Merci parce que vous avez été là pour moi. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Thank you that you did not forsake me like the world forsake danke. Me. Er sagt danke, dass ihr mich nicht im Stich gelassen habt, so wie die Welt mich im Stich gelassen hat. Il dit merci que vous m'avez pas abandonné comme le monde m'a abandonné. Amen. Amen. Go to Matthew 25. Praise the Lord. On va lire Matthieu 25. Matthieu 25. Matthieu 25. Matthieu 25. He said thank you today. Er sagt danke heute. Dieu dit merci aujourd'hui. He said he will say thank you forever. Er wird für immer danke sagen. Il va dire merci pour toujours. And he will continue to say thank you. Er wird immer wieder danke sagen. Il va toujours continuer à dire merci. He is grateful. Er ist dankbar. Il est vraiment reconnaissant. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. From verse 31. He said, when the Son of Man shall come in his glory, verset and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory. 32. And before him 32. Shall be gathered all nations, and he shall separate them one from another, as a shepherd divided his sheep from the goats. Amen. Amen. Verse 33. And he shall set the sheep on his right hand, but the goat on the left. Then shall the king say unto them on the right hand, Come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. 35. For I was an hunger. And you gave me meat. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you took me in. Praise the Lord. Alléluia. He's already saying thank you. Exact, schon danke. Ici, on voit que l'Éternel dit déjà merci. Amen. Now this gospel is being preached at all. Dass das Evangelium gepredigt wird, sagt danke. Que l'Évangile soit être prêché et déjà prêché ici. That il est reconnaissant. That this ministry exists, that it exists at all. He said thank you. Dass diese Gemeinde überhaupt existiert. For being there for him. Le fait que ce ministère existe, lui, il est reconnaissant et il dit merci. Amen. Que vous êtes that this ministry continue to exist, he's saying thank you. Thank you for being there for him. Le fait que ce ministère est en train d'exister, il te remercie. He will never be ungrateful to you. Il va niemals undankbar sein. Il va jamais être, pas reconnaissant envers toi. Verse 33, he said, naked and you clothed me. I was sick and you visited me. I was in prison and ye came unto me. The gospel is being in, you know, it's in network today. People das can go to internet and be blessed. Dass Leute das hören können, gesegnet sein. Les gens sont capables de partir même à l'internet pour écouter ce message. C'est aussi une bénédiction pour autre personne. Et là, l'Éternel dit merci. I am not the only one preaching. Ich bin nicht der Einzige, der je ne suis pas la seule personne qui est en train de prêcher amen. Ici. Amen. You are preaching with me. Ihr prêcht mit mir. Vous êtes aussi en train de prêcher avec moi. Praise the Lord. Amen. That's what the Lord is saying here. Das sagt der Herr hier. C'est que l'Éternel dit. You are his testimony. Wir sind sein Zeugnis. Nous sommes ses témoignages. We are all his testimony. Ihr seid alle sein Zeugnis. Nous sommes tous ses témoignages. 37. Then shall the righteous answer him, saying, Lord, where saw we thee and hunger? And fed thee, or tasted, and gave thee drink. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm-hmm. 38. Where saw we thee, a stranger, and took thee in, or naked, and clothed thee? Or where saw we thee, sick, or in prison, and came into unto thee? Verse 40. 40. Verse 40. And the king shall answer and say unto them, Verily I say unto you, inasmuch as you have done it unto one of the least of these my brethren, Amen. You have done it unto me. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. You are his testimony. Isn't that Zeugnis? Nous sommes, vous êtes ses témoignages. Amen. Amen. For being there for one another. Füreinander da zu sein. Le fait d'être là. Faites bitte weiterhin füreinander da. Le fait d'être là l'un pour l'autre. Vous êtes déjà un témoignage pour l'éternel. Continuez comme ça. You are not just there for man, but for Christ. Vous êtes nicht da für Menschen, sondern für Christus. That's what he's saying. Vous n'êtes pas là juste pour un être humain. Vous êtes là pour Jésus-Christ lui-même. C'est ce qu'il nous dit. Verse 41. Verset 41. Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, you cursed, into everlasting fire. Prepare for the devil and his angels. It's not supposed to. You're not supposed to go there, but you choose there. Eigentlich solltest du nicht dahin gehen, aber du entscheidest dich für die Hölle. Tu n'as pas, par exemple, ici, verset 41, il dit, ensuite, le roi dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous au loin de moi, maudit, allez dans le feu de l'Éternel qui a été préparé pour le diable et ses gens. Donc ça n'a pas été préparé pour toi, pour les gens aujourd'hui. C'était seulement pour le diable, mais c'est nous qui avons choisi, ou bien autres personnes qui ont choisi de partir en enfer. You know how can you be there for others if you are not in the church? Wie kannst du für andere da sein, wenn du nicht in der Gemeinde bist? Amen. How can you be there for others if you are not in the church? Wie kannst du für andere da sein, wenn du nicht in der Gemeinde bist? Comment tu peux être là pour autres personnes ou bien pour Jésus-Christ si tu n'es même pas à l'église? Amen. Amen. You just want to remain on your own. Du you can't be saved and be on your own. There's nothing like that. Du kannst errettet sein, für dich allein sein. Si toi tu veux seulement rester toi-même, tu veux ta paix, tu ne peux pas avoir ton salut ou bien retenir ton salut et puis être toi-même. Praise the Lord. Ça ne fonctionne pas comme ça. Verse 42. For I was an hungered, hungry, and you gave me no meat. You were alone in your room. Du warst it was all about you. Es ging nur um dich. Are you getting it? Mm-hmm. It was all about you. Es ging nur um dich. You don't care for others. Die sind anderen egal. Verset 40 dit so car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Je sais que quand les gens font quand ils disent que ils veulent être seuls, ils ne vont pas partir à l'église. C'est comme si tu es en train de tu as ta nourriture et tu veux les garder ça seulement pour toi. I was a stranger and you took me not in. Naked and you clothed me not. Sick and in prison and you visited me not. Then shall they also answer him, saying, Lord, when saw we thee and hungered, or thirsty, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister unto thee? Then shall he answer them, saying, Verily I say unto you, inasmuch as you did it not to one of this least of these, you did it not to me. Is that so easy to understand? That we need one another. Was wir einander brauchen, ist so schwer zu verstehen. Ici, il a dit que c'est que tu as fait aux autres, tu as fait ça aussi à moi. Donc, est-ce que c'est difficile à travers ça, tu comprends qu'on a besoin de l'un à l'autre? A tree can never make a forest. Ein Baum kann nicht einen Wald machen. Un arbre peut pas faire un forêt. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Let us live there. Praise the Lord. Hallelujah. Praise Jesus. Amen. Amen. Every day he says thank you to jeden you. Tag sagt er danke. Chaque jour l'Éternel dit merci, te dit merci. For taking up your cross daily. Dass du täglich dein Kreuz auf dich nimmst und ihm folgst. Le fait que tu prends ta croix sur toi chaque jour et pour le suivre. Remember he was here. Rappelle-toi, il était ici sur terre, Jésus-Christ. Il a expérimenté ça. Tout ce que tu es en train d'expérimenter à l'extérieur, c'est pas, c'est rien de, de nouveau pour lui. Look now. Look now. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Look now. Luke 9:23. And he said to them, Oh, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Praise the Lord. Hallelujah. Every day. Every day. Il a dit qu'il, you choose to follow him. Amen. Il a dit si quelqu'un veut venir à moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix chaque jour et me suive. Donc chaque jour. Amen. Every day you choose to be there for one another. Jeden Tag entscheidest du füreinander da zu sein. C'est chaque jour que tu te décides de d'être là pour l'un à l'autre. Amen. You want people to be there for you, but you don't want to be there for others. Du willst, dass Leute für dich da sind, aber du willst nicht für andere da sein. Das ist bösartig. C'est vraiment mauvais quand tu veux que les autres personnes puissent être là pour toi et toi tu veux pas être là pour ces personnes. Amen. Every day to be there for the Lord. You know how to be there for the Lord is you must be there for one another. That's how to be there for the Lord. We just read it. Where he said, when you visit your people, you know, you are being there for them, then you are there for me. Pour être là pour l'éternel, ça signifie aussi que quand tu es là pour les uns à l'autre, donc quand tu pars visiter l'autre, c'est comme si tu es en train de partir visiter l'éternel lui-même. Amen. People want to say they love God. When they don't even love God's children that they are seeing. Les gens disent que oui, ils aiment l'éternel, mais même si ils sont même pas capables à aimer les enfants de Dieu qui sont visibles. Et comment tu veux voir, tu veux aimer le Dieu qui est invisible? Notice this word, daily, daily. If you underline it, say daily. Donc, daily. Il dit chaque means jour. Salvation is daily. Salvation is le salut, c'est chaque jour. C'est une chose qui se passe chaque jour. C'est un choix que tu prends chaque Amen. Jour. Amen. It's not praying, Father, come into my life. Father. No, it's choosing. Choosing Christ will choose for you. It's daily. Es geht nicht darum, jeden Tag das Errettungsgebet zu beten, sondern jeden Tag sich für Christus zu entscheiden. Il ne s'agit pas que tu sais chaque to jour. Help que you tu, to take decisions. Il ne s'agit pas que tu puisses prier la prière du salut chaque jour, mais il s'agit que chaque jour. Tu te décides de te suivre et de faire d'agir comme un fils de Dieu, c'est ça que tu dois faire chaque jour. Amen. Any decision or decision we take. Quelle entscheidung wir treffen. Chaque décision qu'on prend. Can be the end of everything. Kann das Ende von allem sein. Ça peut signifier que c'est la fin de toute chose. Amen. Like the decision Adam and Eve took. Wie die Entscheidung, die Adam und Eva getroffen haben. Tout comme la décision que Adam et Eve ont pris. Like the decision Lot's wife took. Die Entscheidung, die Lots Frau getroffen hat. Ou bien la décision de la femme de Lot. Like the decision Lucifer took. Oder die Entscheidung, die Lucifer getroffen hat im Himmel. Ou bien la décision que Lucifer a pris au royaume des cieux. Praise the Lord. Alléluia. That you are saved today does not mean you will be saved tomorrow. Dass du errettet bist heute heißt, dass du morgen errettet sein Le fait que tu as ton salut aujourd'hui, ça signifie pas que demain tu as aussi ton salut. You choose to be saved. Du entscheidest dich errettet zu bleiben. C'est toi qui décides d'être You sauvé. Also choose to remain safe. Du entscheidest auch errettet zu bleiben. C'est toi aussi qui choisis de rester And you choose sauvé. To be saved forever. Und für immer errettet zu bleiben. Et ton salut pour l'avoir pour toujours, c'est toi-même qui décides. I can say there is no ministry here again. Ich kann auf einmal sagen, es gibt keine Gemeinde mehr hier. Moi aussi, je peux me décider. It's rejected in Jesus' name. Aber ich verweigere das in Jesus' name. Moi aussi, je peux dire que je ne veux plus avoir le ministère ici, mais je le rejette au nom de Jésus-Christ. It is your decision to be saved. Es ist deine Entscheidung, errettet zu sein. And to continue to be saved. Errettet zu bleiben. Avoir ton salut et le garder, c'est ça ta décision. Amen. Amen. It is your choice to be saved and to be saved to the end. Es ist deine Entscheidung, errettet zu sein, errettet zu bleiben bis zum Ende. C'est ta décision d'être sauvé et de rester sauvé pour toujours. It's like a marathon. C'est un marathon. C'est comme un marathon. Amen. Marathon. Amen. It's not starting, it's to end it. Es geht nicht um den Anfang, sondern das Ende. Il ne s'agit pas du commencement du marathon, il s'agit de la fin. The Bible calls it a race. Die Bibel nennt es ein Rennen. Et la Bible dit que c'est comme une course. Amen. Our relationship with one another is a race. Die Beziehung mit einem ist ein Rennen. La relation l'un vers l'autre c'est comme une course. Just like our relationship with Christ is a race. Comme notre relation l'un vers l'autre c'est une course. Amen. The race that is set before das us. Das Rennen was vor uns steht. C'est une course qui est devant nous. Amen. In Deutéronome 30. In 5. Mose 30. Go to Deutéronome 30. On va lire. You choose. No Deutéronome 30. Don't allow anybody to change your mind towards Jesus. Lass nicht zu, dass jemand deine Gedanken gegenüber Jesus ändert. Amen. Deutéronome 5:30. Tu dois pas vouloir que quelqu'un puisse influencer ta décision. Gib niemandem diese Macht über dich. Faut jamais donner à personne cette puissance. Don't choose hell for anybody. Entscheide dich nicht für die Hölle wegen irgendjemanden. Tu ne dois pas te décider de partir en enfer pour quelqu'un d'autre. Amen. You cannot help them by joining them. You can only help them by choosing Christ. Indem du sie in dem Bösen unterstützt, du kannst ihnen nur helfen, indem du selbst Christus wählst. Tu ne peux pas les aider quand tu choisis de partir avec eux ou bien de agir comme eux. Tu vas seulement les aider si toi tu choisis Jésus-Christ et de continuer avec le chemin de l'Éternel. It says I call heaven and earth to record this day against you. Mommy. Deutéronome 30, verset 19. Amen. I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life, that both you and your seed may live. You and your seed. You never choose for you alone. Denn du entscheidest nicht für dich allein. Il dit que toi, ici, tu te décides pas seulement pour toi-même, tu décides pour toi et tes... oui. Once you choose for the seed under you. Wenn du für dich entscheidest, entscheidest du für den Samen, der unter dir ist. Pour tes descendants, parce que quand toi tu te décides, tu décides aussi pour tes descendants au même moment. Amen. C'est ce qui est écrit à Deutéronome 30:19. Verse 20 says that thou mayest love the Lord your God, and that thou mayest obey His voice. Obeys, but there is nothing about other people here except the only true God. Your focus should be Him. Dein Fokus soll auf If you are living here, it should be because of Him. Wenn du hier lebst, and not because of also, wenn du hier weggehst, people. Es ist wegen Christus, aber nicht wegen Menschen. Si nous on part pas, on vient pas ici ou bien on vient plus ici, c'est à cause de Jésus-Christ et pas à cause de l'être humain. If Jesus wants you to leave here, we will be grateful. Wenn Jesus will, dass du gehst, dann werden wir dankbar sein, dass er derjenige ist, der dich leitet, weil er dein Leben leiten soll. Amen. Si l'Éternel dit que tu dois quitter ici, on va remercier l'Éternel parce que c'est lui qui veut, c'est lui qui va te diriger, c'est lui qui est ta vie. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. That thou mayest love the Lord your God. And that thou mayest obey his voice. Verset 20. And that thou mayest cleave unto him. For he is your life and the length of your days. That thou mayest dwell in the land which the Lord swore unto your father, Abraham, to Isaac and to Jacob to give them. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Aimez le Seigneur votre Dieu, obéissez-lui, restez-lui fidèle, attaché. C'est ainsi que vous pouvez vivre et passer les nombreuses années dans le pays que le Seigneur a promis de donner à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Amen. You know, we have read here so many times, but we understand lesen, aber glauben wir das wirklich? On a lu ça beaucoup de vraiment souvent, on a souvent lu ça, mais est-ce qu'on le croit? If we understand it, we will know how decision, how to, you know, we will allow him to take. Wenn wir das verstehen, wenn wir zulassen, dass er Entscheidungen für uns trifft. Parce que si on a vraiment compris ce verset, on va lui permettre de prendre les décisions pour nous. Because we don't know what is life and death. We don't know what is blessing and curse. Nicht wissen, was Leben und Tod ist, Segen und Fluch. Parce que nous on sait pas qu'est-ce qui est la mort et la vie. Amen. Wir wissen es nicht. We don't know what is life and death. We, as we see death, we call it life. Wir sehen den Tod und nennen es Leben. On voit la mort et puis on appelle la mort la vie. Amen. Amen. Allow him to choose for you. Lass du, dass er für uns wählt. Allow him to help you to take decisions. Dass er entscheidet für dich. Permet l'Éternel à prendre des décisions pour toi. He said, "You choose. You choose me so that I choose for you." Er sagt, wähle mich, damit ich für dich wähle. L'Éternel a dit que toi tu dois me choisir comme ça je serai je vais choisir pour toi. I have decided to follow Jesus. But what about you? Ich habe mich entschieden Jesus zu folgen. Was ist mit dir? Moi j'ai décidé de suivre Jésus-Christ et toi? I have decided to be his testimony. But what about you? Ich habe entschieden sein Zeugnis zu sein. Was mit dir? J'ai décidé d'être son témoignage et toi? Will you be his testimony forever? Wirst du sein Zeugnis für immer bleiben? Est-ce que tu vas être son témoignage? Or just for some time? Ou bien c'est seulement pour quelques temps. Amen. Lucifer was once his testimony. Lucifer war auch mal sein Zeugnis. Lucifer, quand il était au royaume des cieux d'abord, il était au ciel, il était un témoignage de l'Éternel. Are you getting it? Judas was once his testimony. Judas war auch mal sein Zeugnis. Judas, Judas était aussi son témoignage. To be one of the disciples. Er hat Judas als einer seiner Jünger ausgewählt. Il a pris, c'est lui-même qui a choisi Judas pour être un de ses disciples. Adam and Eve were once his testimony. Adam et Eve waren auch ihr Zeugnis. Adam et Eve étaient aussi son témoignage. Amen. Avant la chute de l'homme. What about Lot's wife? Lot's Frau. Même la femme de Lot. And what about you? Was mit dir? La femme de Lot était aussi son témoignage et toi? Amen. Est-ce que tu es dans son témoignage aujourd'hui? Amen. Amen. Remember John 6 when a lot left him. In Johannes 6 als viele ihn verlassen haben. Rappelle-toi Jean 6 quand ils ont abandonné. He said, you know, he said to Peter and others, what about you? Mm-hmm. Just like Peter. I am asking you, what about you right now? Und die anderen sagen, was mit euch? Il a dit la foule n'avait pas compris Jésus-Christ et puis ils ont abandonné. La foule n'a pas compris Jésus-Christ et puis ils ont abandonné Jésus-Christ. Et puis Jésus-Christ a regardé les disciples et puis il a dit aux disciples, et vous allez aussi m'abandonner. C'est pour cela, maman aussi nous demande aujourd'hui, nous aussi, est-ce que nous aussi on va continuer avec le chemin de Jésus-Christ ou bien on va l'abandonner? Praise the Lord. Amen. He said to Peter and others, what about you? Yeah, Peter, will you also leave? Was mit euch, werdet ihr auch gehen? The door is open. Il a dit à Pierre, à ses propres disciples, il a dit que oui, est-ce que vous allez aussi m'abandonner? La porte est ouverte. C'est un choix. You know what Jesus is saying there? Jesus is saying, I'm never alone. Er sagt, ich bin niemals alone. If all of you leave, I'm never alone. Alle gehen, remember, Jesus, he said, my father never leave me alone. Johannes 16 sagt, mein Vater lässt mich niemals allein. Christ never leave me alone. Und Christus lässt mich niemals allein. Jésus-Christ, il a dit, et vous, vous allez aussi m'abandonner. Il a dit ça pourquoi? Il a dit parce que il sait qu'il n'est jamais seul. Il est toujours, son père est toujours à ses côtés. We are here today. Wir sind heute hier. We will be here next year. Even next month. Sometimes next month is even too far. Nächsten Monat. Hier, nous sommes aujourd'hui ici, mais peut-être le mois prochain, nous serons aussi ici. Parce qu'il y a beaucoup de temps pour aussi se décider contre lui. Prepare your heart to be for him forever. Bereite dein Herz darauf vor, für immer für ihn zu sein. Prépare ton cœur pour rester avec l'Éternel pour toujours. Matthieu 25. Amen. Prepare your heart to be for him forever. Don't be like the five virgins. Bereite dein Herz darauf vor, für immer für ihn zu sein. Amen. Sei nicht so that was who they were once. His testimony. Then they did not make it. Wie diese 10 Jungfrauen, die einst sein Zeugnis waren, aber es dann nicht geschafft haben. Prépare ton cœur comme les 10 femmes qui étaient les 10 vierges qui étaient en train d'attendre à l'Éternel que comment ils s'étaient préparés. Il y avait seulement 5 entre eux qui s'étaient vraiment bien préparés. It was as if they were all well saved. Donc c'était comme si tous les 10 étaient vraiment sauvés. But at the 99 hours. Aber in der letzten Minute haben 5 versagt. Mais dans la dernière minute, il y a eu 5 qui ont échoué. Prepare your heart and make up your mind to be for him. Und entscheide dich für ihn für immer zu sein. Prépare ton cœur et décide-toi d'être avec Jésus-Christ pour toujours. Dir wird es nicht gefallen, auf der anderen Seite zu stehen. Parce que ça va pas te plaire d'être dans l'autre. Because it is not his will that any should perish. Matthew 25. En fait, ça va pas nous plaire d'être dans l'autre côté, en fait. C'est pour cela que c'est vraiment important de préparer son cœur et de se décider de lui suivre. Parce que l'autre part, c'est chez le diable, ça va pas nous plaire. Praise okay. the Lord. Hallelujah. Matthew 25:1. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. And 5 of them were wise, and 5 were foolish. Verse 3. You know, allowing the flesh to take decision for you is foolish. Zulassen, dass das Fleisch für dich Entscheidung trifft, ist dumm. Quand tu laisses que la chair puisse avoir décidé pour toi, ça c'est vraiment stupide. Amen. Amen. Praise the Lord. Yeah. If anything is taking you out of here, it should be Christ in you. Wenn ich etwas herausziehe, dann nur Christus allein. Not from Christ. Si quelque chose va t'enlever d'ici, ça doit être Jésus-Christ. Parce que le message, c'est Jésus-Christ. Amen. Wenn die Botschaft nicht von Christus ist, dann kann ich das akzeptieren. Dann ist es auch richtig zu gehen. Aber alles andere ist dumm. Si le message, ça vient pas de Jésus-Christ, là je vais accepter que vous puissiez partir, mais toute autre chose, c'est vraiment stupide. No one here died for you. Denn niemand hier ist für dich gestorben, nur Christus. Amen. Il n'y a personne ici entre nous qui est mort pour toi, c'est seulement Jésus-Christ qui est mort pour toi. And your motive of being here is not any man's. You should never depend on any man. Und dein Motiv, du hier bist, sollte nicht an einem Menschen hängen, sondern Christus allein. Et ton motif d'être ici, ça doit seulement dépendre de Jésus-Christ lui-même et pas d'autres personnes. If your motive is man, it's a matter of time. Wenn dein Motiv der Mensch ist, dann ist es eine Frage der Zeit. Si ton motif c'est d'être ici, c'est de l'être humain, c'est une question du temps pour retourner d'ici. Amen. If you hate correction, you cannot follow Christ. Wenn du Belehrung hast, dann kannst du Christus nicht folgen. Si tu n'aimes pas les corrections, tu ne peux pas être prêt à suivre Jésus-Christ. Amen. Amen. The Lord corrects those he loves. Der Herr verbessert die, belehrt die. That correction should help you to know L'Éternel that corrige les gens qu'il aime. Der Herr belehrt die, die er wirklich liebt. Diese Belehrung zeigt, dass er dich wirklich liebt. Amen. Et cette correction va faire voir que qu'il t'aime vraiment. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Satan will want to want you to see how that correction is presented. Don't see that. See the Lord love you. That's why he's correcting you. So in der Satan will, dass du darauf dich fokussierst, wie diese Belehrung gegeben worden ist. Aber der Herr möchte, dass du auf ihn schaust in dieser Belehrung. Und das ist alles. Quand quelqu'un te corrige, le diable veut que veut te faire voir la façon ou la manière laquelle on t'a corrigé. Mais l'Éternel, lui, il veut que tu puisses voir si l'effectivité, la correction soi-même, comment on appelle, inhalt. Oui, il veut voir la parole, ce qu'il a dit, si c'est la vérité, si c'est vraiment de lui. C'est ce que tu dois voir, si tu ne dois pas voir la manière laquelle on t'a corrigé. Amen. For example, look at how he said it, you know, without respect. Mm. Without respect. You know, if you see Christ, you will never see any respect. Mm. Weil der Satan will, dass du halt dich darauf fokussierst, wie die Person das gesagt hat, dass es respektlos war, dass es zu laut war, zu leise war oder sonstiges. Aber wenn wir uns auf Christus fokussieren, dann wird uns Respekt egal sein. Mm. Le diable veut que tu puisses voir, oui, c'est que comment la personne t'a corrigé, sans respect, vraiment impoliment, je sais pas comment. Mais l'Éternel, si tu vois l'Éternel lui-même quand il parlait, quelquefois c'était comme s'il n'avait pas aussi de respect. Donc tu dois être derrière le contenu et pas la façon laquelle on a donné le message ou bien la correction. You know, they stole Stephen without respect. They stole him to death without respect. Yeah. But he was, if you know, he was sick there praying for them. I'm begging the Lord, forgive them for they don't know what they are doing. Why? Because he sees the Lord. Sie haben Stephanus respektlos außerhalb der Stadt wie einen Kriminellen gesteinigt. Und dennoch hat er für diese Menschen gebetet. Gebetet, weil er wusste, dass sie nicht wissen, was sie tun. Etienne, ils ont vraiment lapidé Etienne. Et quand ils ont lapidé Etienne n'était pas... Il était capable à dire, Éternel, pardonne-le, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Pourquoi il a été capable à le faire? Parce qu'il a vu le contenu. Il n'a pas vu la façon laquelle on l'a lapidé. Parce que s'il voyait ça, il allait dire que, Éternel, écrase-les tout ou bien tue-les tout. Mais il a vu plus que ça. But you, il a vu they que, are not even stoning you. Il a vu que le contenu s'agissait que... Parce qu'il ne connaissait pas l'Éternel. Und just words is pursuing you like it's as if heaven and earth want to fall out. Nur wegen Worten, nicht wegen Stein, sondern wegen Worten, ist so, als ob Himmel und Erde zusammenbrechen. Et toi aujourd'hui, tu écoutes seulement une parole qui n'est pas vraiment bonne. C'est comme si, quand tu écoutes une parole, c'est comme si on est en train de te poursuivre. Ça te fait vraiment mal. Mais on t'a même pas lapidé. C'est seulement une parole qu'on te dit dans la vérité. Toi, tu as l'impression que on t'a fait quelque chose de mal. Look at verse 3. It's a day that we are foolish to their lamps and took no oil with them. Verse 4. But the wise took oil in their vessels with their lamps. Verse 5. When the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. It was taking time. Ici, Matthieu 5, verset 5. Or, le marié devrait venir, mais il a pris beaucoup de temps. Et les fils se sont même endormis. You know, so we will think it's not coming again. Einige glauben sogar, dass er nicht mehr zurückkommt. Il y aura d'autres qui vont penser qu'il ne va même pas retourner. He's coming. Aber er kommt. Mais lui, the Lord is coming back. Der Herr kommt zurück. Amen. Mais lui, you know that song. L'Éternel va revenir. Back. The Lord is coming back. Amen. Amen. He's coming. Prepare. Amen. Bereite dich auf seine Rückkehr. Prépare-toi parce que l'Éternel va revenir. When the bridegroom tarried, verse 5. Fünf. They all slumbered and slept. And at night, at midnight, there was a cry made before the bridegroom cometh. Go ye out to meet him. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. Verse 8. And the foolish said unto the wise, give us of your oil, for our lamps are gone out. But the wise answered, saying, You know, the God of this world will give them their oil. Das Gute dieser Welt würde das Öl mit ihnen teilen. Don't throw your salvation away. Aber any reason. Ab, Errettung ist persönlich, deswegen gibt es niemanden ab. Tu vois, dans cette histoire, on voit qu'il y avait eu cinq femmes vierges qui n'en veulent plus d'huile, ils ont demandé aux autres de lui donner l'huile. Quelqu'un qui est bon dans ce monde va partager de son huile. Mais ça va te tenter parce que si tu partages ton huile avec eux, toi-même aussi tu risques d'avoir un peu moins d'huile. C'est pour cela qu'il faut rester strict. And the foolish said unto the wise, give us of your oil, for our lamps are gone out. Verse 9. But the wise answer, saying, not so, lest there be not enough for us and you. But you go rather to them that sell and buy yourself and buy for yourself. Please, here is a big lesson. Mm. Amen. It's not if you have it, no, those that are for, if you have, you want to save them by all means. You will be destroyed with them. Amen. Die Leute, die fallen, wenn du sie mit allen Mitteln retten willst, wirst du mit in die Irre geleitet. Ce verset 9, c'est vraiment important, parce que ça va te faire voir que quand tu veux essayer d'être bon dans ce monde, hein, tu veux commencer, tu veux même sauver les autres à tout prix, toi-même aussi, tu risques de rater aussi ton salut, parce que tu vas risquer aussi de tomber avec eux. C'est pour cela ce verset biblique dit aussi, les raisonnables répondirent. Donc ce sont les filles raisonnables, ce sont les filles qui ont refusé de partager. Are we there, please? And when they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. Verse 11. Afterward, verse 11, came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open for us. But he answered and said, verily I say unto you, I know you not. Watch therefore, for you know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Please, I hope you understand. Amen. J'espère que vous avez compris cette place. Amen. Amen. Don't allow those that are falling to bring you down. Lass nicht zu, dass die Leute, die fallen, dich mitziehen. Ne permet pas que les gens qui sont en train de tomber puissent aussi te faire tomber toi aussi. He said, get rid of whatever will take you out of heaven. Amen. Verweigere alles, was sich vom Himmel fernhält und in die Hölle zieht. La Bible dit que tu dois vraiment refuser tout ce qui va risquer de te détourner du droit chemin, du chemin de l'éternel, du royaume des cieux. On va lire Matthieu 18. Praise the Lord. You know, I love the word of Christ. Je lis le word. I don't know if you love it, but I love it. My daughter said, he said, all of us love it. Ich weiß, ob ihr es liebt, aber ich liebe es. All of us love it. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. From verse 7 of Matthew 18. Und ich würde mich freuen, wenn ihr es auch liebt, das Wort Gottes. Okay, moi j'aime vraiment la parole de Dieu. J'espère que vous tous vous l'aimez. He said, "Woe unto the world because of offenses." For it. Matthew 18. From verse 7. Matthew 18, verset 7. Woe unto the world because of offenses. For it must need be that offenses come. But woe to that man by whom the offense cometh. Verse 8. Therefore, if your hand or your foot offend it, cut them off. Praise the Lord. Hallelujah. You know, sometimes we are so used to places that we don't even know the meaning. Manchmal sind wir so gewöhnt an Stellen, dass wir gar nicht die Bedeutung davon wissen. Quelquefois, on est si habitué au passage qu'on ne sait même pas, on ne comprend même plus la signification. And cast them from thee. It is better for thee to enter into the life, half or maid, rather than having two hands or two feet to be cast into everlasting fire. And if your eyes offend thee, pluck it out. And cast it from thee. It is better for thee to enter into life with one eye, rather than having two eyes. You know, there's no one closer to you than your eyes, your arm. You know, your children are not even close to you than them. Nichts ist dir näher als dein Auge und deine Arme, noch nicht mal deine Kinder. Il y a rien qui est plus proche que toi, comme tes yeux. Même pas les enfants qui sont proches de toi comme les yeux. Donc, faut vraiment voir ce verset biblique, il est vraiment fort. You know, well, you know, my mother, once it comes to my mother, when it comes to my father, you better grow out of it. It will destroy you. Satan knows that it's all about your mom, your father, you know what it is all about for you. You better allow it to be Christ. Yeah, it's better for you. Fokussiert auf deine Eltern. I'm promising. Okay. If your mother cannot be closer to you than your eyes, if Jesus can say, pluck out your eye, he can say, take out your mother. Amen. If he can say, take out your arm, he can say, take out anything. Amen. You know, we should be very careful. It's all about people. And Satan knows it very well. And it's using a big sign to steal, kill, and destroy. And take people away from the kingdom of heaven. Deswegen, nichts und niemand auf dieser Welt ist dir so nah wie dein Auge oder wie deine Arme. Und wenn der Herr sagen kann, nimm dein Auge raus, kann er auch sagen, nimm deine Eltern raus, nimm deine Geschwister raus, nimm diesen Menschen, diesen Mann, diese Frau raus, weil das Dinge sind, Menschen sind, die dich vom Königreich Gottes abhalten, die dich in die Hölle bringen wollen. Und du musst bereit sein, halt diese Sachen dann halt loszulassen. Weil wir dürfen uns halt wirklich nicht auf dieser Liebe dieser Welt ausruhen und weiterhin diese Menschen so sehen, wie wir sie gesehen haben vor Jesus Christus. Sondern auch da müssen sich unsere Gedanken erneuern. Verset 9 nous dit, et si c'est à cause de ton œil que tu tombes dans les péchés, arrache-le et jette-les loin de toi. Il vaut mieux pour toi d'entrer dans le vrai dans la vraie vie avec un seul œil que de garder les deux yeux et être été dans le feu de l'enfer. Si Dieu est capable de dire ça, ton œil est plus proche que toi que même tes enfants ou bien tes parents, non? Donc si Dieu est capable de dire ça, que tu puisses arracher un membre de ton corps, combien de plus il va dire, il sera capable à dire que tu puisses arracher ton enfant ou bien ta maman ou bien ton papa loin de toi, parce que si la personne est en train de si ça te risque le salut. Donc, et ça, on doit vraiment, on le connaît ce verset biblique, mais c'est important de le comprendre vraiment. Praise the Lord. Hallelujah. He is saying get rid of all. Er sagt, werde diese Dinge los. L'Éternel dit que vous devrez vous débarrasser de toutes ces choses. Things are going to influence you. Dinge werden dich beeinflussen. Les choses qui vont t'influencer. To take you out of Christ. Und dich von Christus wegzubringen. Pour t'écarter de l'Éternel. He's a trickster. Und er weiß das. Er ist gerissen und listig. Look at Luke 14. Le diable, il est vraiment rusé. Lucas 14. Et il sait ça. You know, people want to paint. Luke 14. People, we want to paint here. No, no, he did not say hate. He did not say hate. They want to paint it. I was hearing somebody saying. Leute wollen das verdrehen und wollen da aus. But Jesus said hate. Aber Jesus sagt hier ganz klar. Lucas 14. Luc 4, 14, il y a des gens qui sont en train de dire oui, mais l'Éternel ne dit pas de détester. Le détester, il n'aime pas ça. Mais on va le lire à verset 25. And there went great multitude with him, and he turned and said unto them, I don't know what you told. Are you getting it? He turned and said unto the people. He was speaking to people. Er hat zu Leuten gesprochen, er hat sich umgedreht und zu dieser Menschenmasse gesprochen und ihnen das gesagt, ins Gesicht. Jésus-Christ se retourna et il a commencé à parler à la foule, comme il te parle aussi aujourd'hui. If any man come to me and hate not his father, and mother, and wife, and children, and brethren, and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. You know, I don't know which part of hate people don't understand. Si because quelqu'un... you can just spell it here, H-A-T-E. Hate. Ich weiß nicht, welchen Teil von Hass die Leute hier nicht verstehen, aber man kann es hier buchstabieren. For, you know, just for buchstabieren. Amen. You can see it. Hate. He said hate. Hate is hate. Hass ist Hass. You hate all. Die hassen alles. Und das tun. Amen. Amen. Praise the Lord. Ich habe nur kurz geguckt wegen. Ici, dans la version, il dit qu'il faut être prêt à renoncer, à détester toute chose. Donc, c'est pas comme la préférée. On va te chercher notre Bible. Amen. Ici, c'est détester. You break out the wound. You that just fought. You know what to talk about your mother. Your brainy things that see if you dig hard into their heart. I was like that for years. But I thank the Lord, he delivered me. It means you need deliverance if you are like that. Let it be when they talk about Jesus, they dig hard into your heart. And not any man. Amen. If not, you will go with them. Because Satan knows that your heart is there. And we take you. Und wir müssen wirklich uns davon erlösen lassen, davon erlöst werden, wenn wir wirklich noch so drauf sind, dass sobald man über deine Mutter redet, sobald man über deinen Vater redet, deine Freunde redet, dann bist du direkt auf Hass und man sticht dir so ins Herz, dass du nicht mehr, dass du gar nicht mehr atmen kannst. Das sollte eigentlich diese Reaktion, die wir eigentlich nur haben, wenn man schlicht über Jesus Christus redet, aber nicht, wenn man schlicht über das Fleisch, wenn man über das Fleisch redet, über die Menschen redet. Na, und ich war selber auch so und ich bin dankbar, dass ich davon erlöst wurde. Und jeder, der immer noch da drin ist, soll bitte Erlösung suchen. Ici, il est écrit, si quelqu'un vient à moi et ne fait pas son, et ne hait pas son propre père et sa propre mère, sa femme et ses enfants, ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Donc, si on voit, il a dit, si il n'est pas prêt à, s'il ne hait pas, c'est de la haine qu'il est en train de parler. Et si toi, tu es en train de valoriser c'est des personnes que tu vois plus que Jésus-Christ, le diable, lui, il le sait. Et puis, il sait que ton cœur, c'est pas vers Jésus-Christ, c'est ton cœur, c'est vers les gens que tu vois, vers tes enfants ou bien vers tes parents. Il va commencer à te combattre à travers ces personnes pour t'arracher ta joie et que tu puisses même perdre ton salut. C'est pour cela, si tu es quelqu'un qui n'est pas encore prêt à voir seulement Jésus-Christ et que tu veux aussi voir autre chose, tu dois vraiment être libéré de ça parce que maman aussi a dit qu'elle aussi était là une fois. Elle était vraiment en train de valoriser sa famille, mais Dieu l'a vraiment libéré. If you are like that, you are possessed. Wenn du so bist, dann bist du von einem Dämon besessen. Si tu es comme ça, tu es possédé avec les démons. Allow Christ to free you. Du musst zulassen, dass der Herr dich davon befreit. Tu dois vraiment, c'est comme un démon, tu dois vraiment laisser que l'Éternel puisse te libérer. If Jesus can say this concerning his disciples, how much more his children? Wenn Jesus das über seine Jünger sagen kann, wie viel mehr über seine Kinder? Si Jésus-Christ est capable de dire ça, des histoires comme ça, à ses enfants, combien de plus il va de dire à ses propres enfants, à ses disciples, combien de plus il va de le dire à ses enfants? Amen. Praise the Lord. Your prayer should be, Father, help me to hate all. All you want me to hate, help me to hate. It should be our prayer. Notre prière, ça doit être, Papa, aide-nous à détester tout ce que tu veux qu'on puisse détester. Amen. Help me to surrender everything to you, no matter what it is. Aide-nous à soumettre tout vers toi, peu importe qu'est-ce que ça est. Don't be tired of Christ. Sei nicht müde von Christus. Ne sois pas, ne te fatigue pas de l'Éternel. Amen. Amen. we will close with Matthew 24. Matthieu 25. On va clôturer avec Matthieu 24. Matthieu 24. From verse 25 to the end. Verset 25 jusqu'à la fin. 35 jusqu'à la fin. 35 jusqu'à la fin. 24 from verse 35 to the end. Heaven and earth shall pass away. Praise the Lord. Jesus never expired. Jesus verfällt nicht. Er hat Verfallsdatum. Amen. Le ciel et la terre passeront. 24, verset 35. Amen. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Amen. You know, the love of this world expires. It has expired. L'amour de ce monde peut expirer. That's why there's divorce everywhere. Because there's a date. You know, you don't love people with the love of this world. That love must have expired date. Weil diese Liebe dieser Welt hat ein Verfallsdatum. Irgendwann ist Sense. Amen. Donc le monde, eux, ils ont un jour, une date de délai, mais l'Éternel, il n'a pas une date de délai. Le Christ, non. Ah, il est lié au fond Christos. Amen. Amen. L'amour de Dieu. Amen. Amen. Heaven and earth shall pass away. Le ciel. My word shall not pass away. Amen. My word is the same. Mein Wort bleibt das gleiche. Ma parole, ça reste la même. Jesus never changed. Jesus verändert sich nicht. Jésus-Christ ne change jamais. Amen. Amen. You know, because people change, they think Jesus also changed. Wenn Menschen sich ändern, denkt man, dass Jesus sich ändert. Seulement parce que les gens sont en train de changer, l'être humain pense aussi que Dieu aussi va changer. Because they are growing older, older and older. You know, they can see everything changing. They think Jesus changed. Menschen, he said, I never change. I change it not. Älter werden, denkt man, dass Jesus auch anders wird. Aber Jesus sagt, ich ändere mich nicht. Vu que l'être humain est en train de vieillir, lui, il pense que Dieu aussi va vieillir comme lui. Mais Dieu ne vieillit jamais. Il reste le même aujourd'hui et toujours. But of that day, an hour knoweth no man. No, not an angel of heaven, but my Father only. Praise the Lord. Amen. Amen. The days of your salvation, the days of your healing, no one even know. Der Tag deiner, except the Lord. Heilung, deine Errettung, weiß niemand, nur der Herr weiß es. Le jour de ton salut et de ton et de ta guérison, il y a personne qui le connaît, c'est justement l'Éternel qui le connaît lui-même. And that's why you know you cannot come to the house of Christ and continue to be sick. Du kannst nicht ins Haus Gottes weiterkommen und krank bleiben. Das ist nicht möglich. Tu peux pas venir dans la maison de l'Éternel et continuer à être malade. C'est pas possible. It might take time. Peut-être ça va te prendre du temps. But you must. That healing must be seen all over the world. You will... Mais cette guérison, ça sera visible. Amen. It cannot be hidden, as we said before. Sie kann nicht verborgen bleiben. Ça peut pas être caché. Amen. And people that just want to be sick forever cannot come to him. Leute, die für immer krank sein wollen, können nicht zu ihm kommen. Et les gens qui veulent, qui ont décidé d'être toujours pour toujours être malade, ils peuvent pas venir vers lui. You know, people get pity when they are sick. Leute bekommen Mitleid, wenn sie krank sind. And people love it. Les gens ont pitié de quelqu'un quand ils deviennent malades et les gens aiment. Everybody, they are just there. Ça, les maladies, le pitié. You know, when you are everything, when you are well, nobody is there. Now you are sick, everybody are there. Und wenn du gesund bist, ist niemand für dich da. Wenn du krank bist, sind alle da. Quand tu es malade, il y a personne qui est là pour toi. Non, quand tu es en bonne santé, il y a personne là qui est là pour toi. Mais quand tu es malade, il y a tout le monde qui est là pour toi. Aber das sollten wir nicht suchen. Das sollte nicht unsere Freude sein, sondern weil dann sind wir zweigesinnt. Et c'est Jésus-Christ qui doit être notre on doit vraiment autoriser que l'Éternel puisse être notre joie, sinon on sera un peu comme quelqu'un qui a deux mentalités. You know, when we were young, as we are young man, if we know that my father have this syrup, yeah, what do you call it? Pustizab, that is so lekker, so sweet, that you drink, we always say we are sick. Because we always want to drink that liquid, we want it. Once that liquid is finished, you know that my father will prepare dogoyaro for you. Dogoyaro. Dogoyaro. You know, dogoyaro is bitter. Dogoyaro. In Nigeria, they will know what I'm talking about. Amen. A leaf, they just mango leaves, guava leaves, pawpaw leaves. They take all of the leaves together, boil it. Then put it in like a tea. You start drinking it. It's very good for the body if you are sick. But if my father, for fever, if my father have enough money, if he buy food, all this, you know, he both medicine, they are always sweet. Ah, when we just see that, the strength. Not all. I said, yeah, I know the other side. The other, we will not be sick to the extent of giving us bitter tablet, because there's a bitter tablet. Yeah. We say we are having hosting, we are having, because we know that once we say hosting, my father just say, okay, this hosting must go now. Just bring it out. Praise the Lord. Yeah. You know, some people are still like that. Mm. Because they get pity out of sicknesses and diseases. And that it makes them to glorify in it. And it's evil. Okay. We have to grow out of it. Früher, als wir noch Kinder waren, haben wir gerne mal gesagt, dass wir ein bisschen Husten haben oder ein bisschen erkältet sind, damit wir den leckeren Hustensaft von meinem Vater bekommen, weil er halt so süß war und das war halt die einzige Süßigkeit, die wir halt damals so hatten, also etwas, was wirklich süßlich schmeckt. Und hat man halt gern gesagt, ich habe ein bisschen Husten oder hier kratzt ein bisschen, Hilfe. Aber wenn dieser Hustensaft leer war, man wusste, okay, er wird jetzt, wenn man erkältet ist, einem nur noch so einen richtig bitteren Tee machen. Da hat man immer, war man immer sehr schnell weg davon zu sagen, man hat Husten oder irgendwas, war man immer sehr schnell gesund. Und so ist das auch heute noch, dass viele Leute immer noch vielleicht diese Krankheiten in Kauf nehmen, weil sie halt ein paar Süßigkeiten dafür bekommen. Diese Süßigkeit kann sein Aufmerksamkeit von Menschen. Diese Süßigkeit kann sein Geld vom Amt. Diese Süßigkeit kann alles, können verschiedene Dinge sein, weil wir einfach Benefits daraus ziehen. Aber wir sollen den Herrn mehr lieben als diese Benefits. Mm-hmm. Ne? Und deswegen sollen wir das verweigern, so eine Denkweise. En fait, maman vient de dire que quand elle était petite et quand elles étaient malades, on les donnait toujours un jus, là, c'est comme un sirop, là, et c'était vraiment très bon. Et elle continue toujours à boire ça, et puis elle était toujours satisfaite. Et elle aimait et c'est pour cela qu'elle disait toujours qu'elle faisait comme si elle est toujours malade. Seulement pour. Elle faisait genre elle est toujours malade, seulement pour boire ce médicament-là. Mais quand ça devenait sérieux, c'est le père qui disait directement oui, le père qui disait que, ok, on va vous donner un autre médicament qui est amer. Et là, il disait, oh oui, nous sommes maintenant, on est guéri, je vais bien, je vais mieux maintenant. C'est à travers ça, maman veut dire à travers ça qu'on doit apprendre à aimer l'Éternel plus que les bénéfices qu'on vient de lui, qu'on a pour lui. Donc, tu n'aimes pas l'Éternel seulement pour, comme ça, qui va te donner la guérison ou bien qui va te donner ce qu'il t'a promis. Mais mais tu dois aimer l'Éternel parce qu'il est tout pour toi, parce que tu l'aimes réellement. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. I want people to be there for me in the Lord. Ich möchte, dass Leute für mich im Herrn da sind und nicht im Fleisch. Moi, je veux que les gens puissent être là pour moi en esprit et pas dans la chair. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 37, it says, but as the days of Noah, so shall also the coming of the Son of Man be. For as in the days that were before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving marriage, until the day that Noah entered into the ark. Verse 39. And knew not until the flood came and took them all away. So shall also the coming of the Son of Man be. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. The coming of the Son of Man. Amen. Die Rückkehr des Menschensohnes. Donc le retour du fils de l'homme. Here it's not only talking about the end time. Hier geht es nicht nur um die Endzeit. Ici, il ne parle pas seulement de la fin. It's talking also about the manifestation of your victory. Es geht auch um die Manifestation deines Sieges. Ici, il parle aussi de la manifestation de ta victoire. The life the Lord has for you. Das Leben, was der Herr für dich hat. La vie que l'Éternel a pour toi. Amen. He's talking about the life the Lord wants for you. Es geht um das Leben, was der Herr für dich hat. Il parle de la vie que l'Éternel veut pour toi. His will for you, his plan for you, his purpose for you. Sein Plan für dich, sein Zweck für dich. Sa volonté pour toi. Et son plan pour toi. Amen. Amen. So shall also the coming of the Son of Man be. So also, so shall your victory be. So wird auch die Wiederkunft. The manifestation that the whole world can see it. Dass die ganze Welt es sehen kann. No, you don't even know the time. Du weißt nicht, wann es ist. La manifestation de l'Éternel, ça doit être vraiment comme ça. Tu connais pas le temps. You know, so many times we always look at all the time, the period. You know, how many days did He use to create everything here on earth? 6 days. Sees this. Was gucken wir auf die Zeit, aber just like in 6 Tagen hat er die Welt erschaffen. En quelquefois on regarde toujours le temps, mais notre Père, il est un Père qui peut créer tout le monde entier dans 6 jours. Praise the Lord. Mais pourquoi on regarde le temps? But Salah, you know, Just allow him to be your testimony and you his testimony. Lass einfach zu, dass er dein Zeugnis ist. Tu dois vouloir que l'Éternel puisse être ton témoignage. Und du sein Zeugnis bleibst. Et toi le sien. Then verse 40 said, then two. Et toi le sien. Then shall two be in the field, and one shall be taken, and the other left. Two in the ministry. One is taken and the other is gone. Einer wird genommen, der andere bleibt. Non, dans, dans la même église, dans le même ministère, ça peut être comme, dans les, comme avec les, l'exemple avec les 10 femmes vierges. Donc, une, vient, une personne, l'Éternel, emmène avec lui et l'autre personne reste ici sur terre. You know, husband and wife on the bed. One is gone, the other one is staying. Marie et femme dans le... Also, we don't pray that it should be different. Oder ein Ehepaar, der eine wird genommen, der andere bleibt zurück. Marie et femme dans un même lit. Une femme, l'Éternel prend la femme et, ou bien l'homme et l'autre va rester. He said, two women shall be grinding at the mill, and one shall be taken and the other left. Watch therefore, for you know not what hour your Lord... dot com. Praise the Lord. Alleluia. You don't know the time. On kennt die Zeit nicht. The next minute you change your mind to turn your back against him, might be the next minute is coming. Mm-hmm. And it's so sad. Yeah. You know, after having a relationship with him for years upon years. Nachdem wir jahrelang Beziehung mit ihm haben, auf einmal wollen wir ihn nicht mehr und verweigern ihn. Und dann kommt er. Après avoir... Like the virgins also. On doit faire attention qu'on ne puisse pas être comme les 10 vierges, que tu es toujours dans l'Éternel, mais la même minute que tu te détournes de lui, c'est la même minute que lui il va venir. Donc ce sera vraiment triste pour nous. C'est pour cela, c'est une décision qu'on doit vraiment prendre continuellement et chaque fois. Then verse 43, say, but know this, that if the good man of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched. And would not have suffered his house to be broken up. Therefore, be ye also ready. For in such an hour as you think not, the Son of Man cometh. Praise the Lord. Hallelujah. Let us run the race to the end. Lass uns das Rennen bis zum Ende führen. Amen. On doit vraiment, la course, on doit vraiment l'emmener jusqu'à la fin. Allow us to run the race to the end. Lass uns bis zum Ende rennen. On doit vraiment faire cette course jusqu'à la fin. There's nothing outside there. Il n'y a rien à l'extérieur. Amen. Amen. If you are looking at it from here, as if there's something there, you go there and see. There's nothing. Wenn wir von hier drauf schauen, sieht es dort besser aus. Aber wenn wir da sind, dann sehen wir, da ist nichts. Si on voit, on regarde les choses d'ici, on peut voir que comme ce sont des histoires qui sont importantes, qui sont bien. Mais si on est là, on va voir que ça ne sert à rien de suivre ce monde. Verse 45. Who then is the faithful and the wise servant, whom his Lord had made ruler over his household, to give them meat in due season? Blessed is that servant, whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. 47. Praise the Lord. Amen. Be his testimony to the end. Sein Zeugnis bis zum Ende. Sois son témoignage pour toujours. Amen. Amen. 47. Verily I say unto you, that he shall make him ruler over all his goods. Amen. Amen. 48. And if that evil servant shall say in his heart, my Lord delayed his coming, and shall begin to smite his fellow servant, and to eat and drink with the drunkard. And the Lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, and in an hour that is not aware of, and shall cut him asunder, and appoint him his portion with the hypocrite. There shall be weeping and gnashing of teeth. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Be the Lord testimony forever. Sois le témoignage de l'Éternel pour toujours. He called you his testimony. Er nennt dich sein Zeugnis. Il t'a appelé son témoignage. Please be it forever. Sei das für immer. Et sois son témoignage pour toujours. Don't cut it short. Amen. Amen. Be with him. And continue to be with him. Bleib bei ihm. Sois avec lui pour toujours et reste avec lui. You know that the road is tough. Dieser Weg ist sehr hard. Amen. On sait vraiment que ce chemin est dur. And it's everything is pulling. Und alles zieht und zerrt an dir. Il y a rien qui, il y a tout autre chose sont en train de nous vouloir nous attirer. But take your eyes away from whatever is pulling. Aber nimm deine Augen weg von dem, was zieht. Mais enlève tes yeux vers toute chose qui est en train de t'attirer. Allow your eyes to be on Christ Jesus. Lass zu, dass deine Augen fokussiert auf Jesus bleiben. Und du wirst es niemals bereuen. Tu dois vouloir que tes yeux sont concentrés vers l'Éternel. Tu vas jamais le regretter. Never regret it. Du wirst es niemals vergessen. Tu vas jamais le regretter. Amen. So please, if anybody has